Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 3, épisode 51, spécial Noël. Donc on peut déjà, mais je vais le faire et tout le monde va le faire à ma suite, vous souhaiter un joyeux Noël 2018. Comme vous l'observez, on est au 51e numéro. Si Dieu le veut, nous en ferons 52 pour la nouvelle année et on n'aura donc pas manqué une seule semaine. À nos auditeurs, je m'en félicite. Hein, pour une fois, on peut se congratuler. Et vous allez voir que pour ce numéro exceptionnel de Noël, on a convoqué la Dream Team. Vous allez le voir. Alors, je vous rappelle les choses habituelles. Premièrement, vous pouvez nous écrire, si vous le souhaitez, sur notre adresse email, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je veux aussi vous inviter, si vous le souhaitez, bien sûr, sur la base du volontariat, si vous appréciez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir financièrement, exclusivement par des dons en crypto-monnaie, c'est Bitcoin, Ethereum et Monero. Nous vous recommandons Monero, même si les autres monnaies sont très bien aussi, parce que Monero garantit un anonymat total. Donc ça, c'est la monnaie officielle de démocratie participative. Je vous invite aussi, ça c'est très important, à partager nos numéros hebdomadaires en PDF qui récapitulent en fait tous les articles de la semaine. C'est utile parce qu'en fait, ça permet d'abord d'archiver les articles, deuxièmement de les partager très facilement par email avec vos amis, vos contacts, vos connaissances ou des gens qui n'ont pas nécessairement le temps de surfer ou de lire quotidiennement. Donc utilisez ça comme un outil, hein, c'est fait pour vous et pour lutter contre la censure aussi, bien sûr. Comme vous l'avez remarqué, Démocratie Participative est le site le plus censuré de France. Hein, c'est le site le plus censuré de France. On ne nous laisse pas de répit, donc on prend aussi des contre-mesures. Utilisez les PDF. Et pour ce qui concerne l'émission, le podcast, partagez-les. Ne vous contentez pas de les écouter, partagez-les avec des amis. Là encore, pas besoin de mettre les fichiers dans les emails. Hein. Vous uploadez ça sur des plateformes. Vous pouvez mettre ça sur archive.org ou d'autres plateformes dont vous partagez ensuite le lien avec vos amis par email. N'hésitez pas, faites des mailing lists avec ceux qui sont intéressés. Faites-le. C'est comme ça qu'on va contrer la censure. J'insiste parce que mois après mois et même année après année, la censure gouvernementale juive, bien sûr, se renforce et plus on est prêt, mieux ça vaut. Et permettez-moi un dernier rappel, dotez-vous d'un VPN, c'est très important. Si vous pouvez continuer à accéder au site que vous aimez, bien sûr, démocratie participative, mais vous verrez que infailliblement d'autres sites seront censurés. C'est inévitable. Donc VPN, Tor, ça c'est pour ne pas se faire remonter, hein, pour pas laisser de traces. Et puis peut-être un petit conseil aussi, quand vous allez sur des plateformes connues comme Google+, Facebook, YouTube et d'autres, et ensuite sur Discus par exemple, n'utilisez pas les mêmes profils, n'utilisez jamais les mêmes adresses e-mail, n'utilisez jamais les mêmes pseudonymes. C'est comme ça que la police essaye de remonter les gens. Donc compartimentez toutes vos activités Internet et utiliser Tor plus VPN. Voilà, c'était un petit peu long, mais c'est dans l'intérêt de tout le monde. Alors, maintenant, la Dream Team pour cet épisode de Noël. Vous allez voir, on s'est pas foutu de vous. Je commence avec Pierrot, qui est le plus jeune membre de l'équipe. Salut Pierrot, comment vas-tu ? Salut Gandalf, bah, écoute, je vais très bien, et puis joyeux Noël à tout le monde, bien sûr. Joyeux Noël. MacDav est avec nous cette fois aussi, comme la semaine dernière. Salut MacDav. Bonsoir les amis. On a Hopman, Captain America aussi, qui sera présent avec nous tout au long de cette émission. Il interviendra comme bon lui semble sur les sujets qui l'intéressent et qui intéressent aussi bien sûr nos auditeurs. Salut Hopman. Salut Gandalf, salut les auditeurs, joyeux Noël et en avant les nègres. En avant Guingamp. Astérix nous fait le plaisir d'être avec nous pour ce numéro de Noël. Salut Asté. Salut Gandalf. Ah bah là, effectivement, numéro très spécial. Hein. Je vois qu'on est quasiment assez nombreux pour faire une équipe de foot. Donc on cherche un gardien de but. Puis après, on peut organiser un petit match contre Israël. Hein. On luttera pour savoir à qui revient le monde. On a Alexis avec nous aussi cette semaine. Salut Alex. Salut Gandalf. Salut à tout le monde et joyeux Noël. Porovic également présent. Comment vas-tu, Poro ? Shalom alaikum à tous. Eh bien, joyeux Noël. Noël, la naissance du Christ, ne l'oublions pas, qui a été assassiné par une bande de juifs. Et ça non plus, nous ne l'oublions pas. Effectivement, deux millénaires après, nous nous rappelons que les juifs ont tué le Christ. Fulbert est aussi présent avec nous. Salut Fulbert. Oui, bonsoir à tous et joyeux Noël à tout le monde. Derek, présent également. Comment vas-tu, Derek, le plus munichois des gens qui habitent le sud de la France. Oui, c'est ça. Écoute, salut Gandalf, salut tout le monde. La pêche, la banane. On profite de la vitamine D avec le beau soleil du sud et de l'eau fraîche pour se raffermir les sens. Donc, la pleine forme. Super. Et enfin, star inconditionnel évidemment de cette émission, Frédéric Danlévier qui nous fait un comeback. Salut Fred. Salut, bah écoutez, bonjour aux auditeurs, joyeux Noël à tous, et je vais vite tordre le cou à une rumeur, hein, comme quoi j'aurais été évincé de l'émission par un Gandalf jaloux et méchant. Je me suis évincé tout seul pour des raisons personnelles. Hein, j'ai déjà un petit dans l'évier qui se balade partout, qui court, qui fait du bruit. Et à nouvelle de Noël, il y en a un deuxième en préparation. Donc voilà. Les calories ne sont pas gaspillées. Hein. Les dans l'évier en pleine expansion. C'est ça. Et là, on va plonger en fait dans le. Dans... Bon, il faut quand même le dire. Hein. L'univers mental bizarre d'une féministe assez connue qui fait d'une youtubeuse, ça s'appelle une youtubeuse, c'est sa profession, hein. C'est une profession, et elle s'appelle Solange Te Parle, donc en tout cas c'est son pseudo sur YouTube, elle a une chaîne voilà, sur laquelle en fait elle vulgarise, si vous voulez, les positions du féminisme, alors tout y passe, hein, Bon, c'est elle fait l'amour avec des rivières des fois, j'ai vu ça. L'antiracisme évidemment dogmatique, ça va sans dire. Bon, il y a toute une série de choses comme ça. Bon, voilà. Mais il y a une vidéo en particulier qui a retenu notre attention. C'est une vidéo récente de cette femme qui doit, je ne sais pas quel âge elle a, mais elle est dans la trentaine, je présume. Si elle est en dessous de la trentaine, ça commence à craindre un peu. Là, faudrait peut-être chercher du côté de la consommation de hashish, de drogues diverses et variées. Ou à varier, voilà. Mais je ne sais pas quel âge elle a, mais je dirais la trentaine. Dans lequel, en fait, elle nous explique qu'elle a eu recours à un gigolo. Alors, vous allez me dire, bon. Et alors, bah, c'est les détails qu'on va vous donner après qui vont vous faire méditer un petit peu. Et vous allez voir que ça fait le lien avec taxes, argent public. Comme quoi, hein, tout est lié. Alors, elle explique, on va donner. Je vais mettre quelques extraits de sa vidéo, hein, très court. Et en fait, elle se met en scène. Alors, on voit pas, mais on entend qu'elle baise, en fait. Voilà. Alors, si vous avez des oreilles chastes, bah, épargnez-vous ça. Sinon, on écoute et on se retrouve. J'ai vu ton annonce, elle était toute nouvelle. Oui. Et dis-moi, comment tu rends les femmes heureuses ? Comment je rends les femmes heureuses ? Oui. En étant... entièrement à leur disposition. J'ai eu plusieurs expériences avec des femmes jeunes et des femmes plus âgées. Donc, disons que je connais bien les femmes. Je sais ce qu'elles aiment. J'ai appris à les écouter, à écouter leur corps, à écouter leurs désirs. Dès qu'il y a eu les pénétrations, là, ça m'a complètement... ça m'a fait perdre... j'ai été déboussolée par ça, les pénis. J'ai voulu savoir comment faire avec le corps de l'autre. Et du coup, j'ai arrêté de m'interroger sur le mien. Enfin, c'est comme s'il passait en second, obligatoirement. C'est nul, hein? La seule chose que je fais pas... c'est qu'une embûche, je sais pas. Et après, sinon, tout le reste, je sais. Bah, c'est très problématique que tu ne fasses pas le cuni. Pourquoi tu fais pas? Pourquoi je fais pas? Ouais. Parce que c'est pas quelque chose que... Comment dirais-je? C'est pas quelque chose qui me tente à dire ça comme ça. Ok, ben merci pour ton honnêteté, mais moi ça sera pas possible. Enfin, ça. Ok. C'est quoi ce style? Bon, bon là, il faut préciser que la vidéo dure 18 minutes, c'est long. C'est long. Fred, toi tu veux parler de ça, tu veux en dire quelque chose, on t'écoute. Bah, je voudrais déjà en guise d'introduction clarifier un petit peu qui est cette personne, c'est-à-dire que, bon, pour commencer, oui évidemment le pseudo sur lequel je te parle, hein, en réalité, alors elle s'appelle Ina Mihalash, c'est une sorte de métèque de... combinaison de roumaine et de québécoise. Alors voilà, merci le Québec et l'Europe de l'Est, hein, ils nous envoient toutes leurs poubelles. D'ailleurs, il y a d'autres youtubeuses aussi, hein, vous remarquerez si vous intéressez un petit peu, souvent des pétasses de YouTube qui viennent d'Europe de l'Est, ils nous les refourguent, on ne sait pas comment. Et donc cette gonzesse, elle a un, enfin moi ça m'a frappé, elle a un faciès quand même assez masculin, elle a une mâchoire assez large. Et donc je me suis demandé, j'ai regardé son rapport entre donc index et annulaire, c'est ce qu'on appelle le rapport 2D-4D, qui est maintenant c'est reconnu scientifiquement, c'est-à-dire le rapport entre votre index, particulièrement sur la main droite, et votre annulaire, ça trahit, si vous voulez, la quantité de testostérone ou d'œstrogène, le rapport en fait, l'équilibre hormonal auquel vous avez été exposé pendant pendant la grossesse de votre mère. Et cette femme, en fait, je pense qu'elle est partiellement un homme, hein. C'est-à-dire que vous regarderez ses mains, vous regardez sa face. Donc effectivement, on a cette gonzesse qui est une sorte de traînée qui vient se balader sur YouTube et qui est payée par le gouvernement français, hein, via des subventions pour effectivement se faire bourriquer par des gigolos. Alors c'est en plus. C'est vraiment pour une femme, en admettant qu'elle soit une femme, hein, ce qui est discutable, mais c'est vraiment, si vous voulez, le fond de la poubelle. C'est-à-dire qu'une femme qui est obligée d'aller payer pour chercher du sexe, je veux dire, normalement, une femme est en situation, enfin, je veux dire, l'accès au vagin étant plus rare que la disponibilité des mâles, normalement, une femme n'a pas besoin de payer pour accéder au sexe. Normalement, il y a des hommes qui... Surtout qui quand elle est prête à se proposer. Mais effectivement, avec elle, c'est compliqué parce qu'elle est particulièrement sale. En plus, elle aime se mettre en scène dans sa saleté, dans sa crasse. Donc, on a ça. Et le gouvernement français, hein, qui fait de belles choses, qui est vraiment, qui sponsorise l'art moderne, etc. Donc paye cette femme via des subventions pour se faire bourriquer comme ça en public, enfin en public, voilà, c'est flouté mais effectivement on entend, c'est un petit peu le pic si vous voulez de la modernité française, c'est vraiment le climax quoi, c'est voilà, c'est magnifique, on aime beaucoup, et encore une fois, ne perdez pas de vue que cette femme en fait est en réalité à mon avis hormonalement plutôt un homme, hein. On en a beaucoup comme ça. des femmes qui se mettent en avant, qui prétendent donner des conseils, qui prétendent, comment dire, mener, être un petit peu des chefs, hein, des points de repère pour d'autres femmes, qui sont en réalité, sur le plan biologique, plus ou moins des hommes. C'est désastreux, et je pense qu'il faut les envoyer dans des camps, voilà. Alors, oui, sur ce que tu as dit, je vais quand même donner les précisions très exactes. Il y a eu une polémique là-dessus, hein, sur la question du financement. Je cite Numérama, qui parlait justement de toute une série de youtubeurs qui avaient été financés par le CNC. Donc, je crois que c'est le Centre National du Cinéma, donc qui est une mafia intégrale, chapeautée par le ministère de la Culture, mais il est bien entendu que cette culture a une dimension ethnique bien particulière, hein, suivez mon regard vers Israël, et donc l'argent ne va pas vers n'importe quel youtubeur, il va vers des youtubeurs qui sont cooptée par, évidemment, le système, elle en fait partie. Et donc, il y avait eu une polémique là-dessus, puisque les gens ont quand même posé la question, mais c'est bien beau, vous distribuez un max de pognon à des youtubeurs, mais qui choisit ? C'est-à-dire, qui détermine quel youtubeur est éligible à une subvention et lequel ne l'est pas ? Voilà, c'était la question, et son nom était apparu. Alors, je cite, « Cyprien Love fait partie des membres permanents depuis les débuts de la commission, donc qui donne les fonds. Il a touché des aides à deux reprises, selon les documents du CNC, 50 000 euros le 22 juin et 10 000 euros le 4 décembre 2018, je précise. Il n'est pas le seul à être dans ce cas. Ina Mihalaș, donc la Roumaine dont on parle, plus connue sous le pseudonyme de Solange te parle, a touché 50 000 euros le 24 avril. » Donc, comme le dit très bien Fred, cette roumaine exhibitionniste, avec l'argent des Français, hein, 50 000 euros, je ne sais pas si vous imaginez, c'est un smicard, il touche quoi, 15 000 euros par an, plus ou moins, quoi, c'est plus ou moins ça. Un smicard, il a 15 000 euros à se faire chier sur une ligne de montage ou autre, ou dans l'agroalimentaire. Et cette grosse pute de la bourgeoisie progressiste cooptée par les Juifs et le ministère de la Culture, en poche 50 000 euros, et ça ne comptabilise pas, bien évidemment, les clics avec sa pub, etc., et ce qu'elle peut faire à côté dans d'autres trucs. Hein. C'est juste cadeau bonus de cet état judéo-bolchevique. Quoi, hein. 50 000 euros, pour faire quoi ? Pour se faire, effectivement, baiser, mais pas par n'importe quoi, puisque, si vous l'ignorez, elle le revendique hein, sur sa chaîne, elle ne baise qu'avec des hommes marrons. C'est sa passion, c'est ce qu'elle dit. Elle veut se faire bourriquer par des mâles bronzés. Hein. Il faut que ça soit du nègre, du mulâtre, peut-être du bico, je ne sais pas. Mais voilà, c'est ça qui lui fait plaisir. Donc, quand vous voyez ce gouvernement présidé par Macron qui vous dit qu'il faut faire un effort parce que quand même, à la fin du mois, si vous n'arrivez pas à nourrir vos gosses, c'est quand même un petit peu votre faute. Pensez très fort à la Roumaine en question, est-ce qu'elle fait avec votre argent et l'argent du peuple. Voilà. Donc ça c'est bien précisé, comme ça les gens savent de quoi on parle en termes financiers. Alors Magda voulait prendre la parole. Ouais, alors la gonzesse en question, là, la Roumaine, c'est une mendieuse professionnelle. Alors elle était dans les jupons de la Utron Pascal Clark. Puisque moi, j'entends sa voix depuis longtemps. Et j'ai reconnu sa sale voix dans des documentaires historiques où elle apparaît en tant que voix off. Donc je pense qu'elle a dû sucer un nombre de bites dans le milieu absolument incroyable. Et elle arrive à se dégoter un petit peu comme Musul, hein, comme ces mendiants gauchistes. Si encore, tu vois, ils arrivaient à vivre de leur talent, même sur YouTube, moi ça me dérangerait pas. Mais ces gens-là mendient. Et elle mendie vraiment, mais comme une enfant roumaine. Ça se voit. Ça, dans sa façon de parler, en fait, elle singe la femme-enfant. Elle singe l'adolescente de 14 ans dans ses paroles. Tu vois, elle minaude, quoi. Mais elle a 34 ans. Elle a 34 ans, cette nana. Et 34 ans, elle a pas de gosse, peut-être, je sais pas. Je pense pas quoi. Mais c'est vraiment, c'est les artistes comme on en produit à Paris. Et c'est vraiment du parasitisme total. Et Ne croyez surtout pas que c'est une pauvre petite nana, un petit peu artiste, un petit peu perché. Attention, ça, c'est des requins, ça. Hein. Ça se déguise en caniche, ça te fait des gros yeux, ça tremblote de la voix, ça part dans les aigus. Mais attention, c'est de la saloperie. Et en fait, tout son business tient sur la crédulité. La crédulité, un petit peu d'égoïme, quoi. Alors, je sais pas si elle est juive, je ne pense pas. Mais si Pascal Clark lui a appris que deux, trois trucs, moi, je serais pas étonné. Alors, Pascal, précisons que Pascal Clark a déjà son billet de train réservé, hein. Ça, c'est, je tenais quand même à le dire. Astérix voulait prendre la parole. Ouais, ben moi je voulais dire que déjà, tu disais qu'elle ne choisit de se faire bourriquer par des marrons. Je pense que son ego transforme l'obligation en choix. En réalité, aucun blanc ne veut de ce genre de femme qui, comme l'a précisé Frédéric dans l'évier, ne peut plaire qu'à un gay qui ne se l'avoue pas, parce qu'elle a vraiment tout, tout, tout qui est masculin, jusqu'à son énergie, ça. Elle est horrible, quoi. Ça, c'est comme elle est sèche, comme elle est, elle dégage rien de féminin, quoi. Absolument rien. Alors, moi, je pense que les envoyer en camp, c'est une bonne idée. Dans ce camp, on pourrait y envoyer à c'est même lui qui postulerait, à mon avis, on pourrait y envoyer Usul, puisque c'est le genre de femme qui plaît beaucoup à Usul. Quand il peut se faire enfiler, Usul, ça lui plaît. Et bah voilà, j'ai pas pu tenir la vidéo entière. Cette femme est un scandale, montre toute l'aberration des subventions françaises. Et cette femme est un vrai produit de la France, hein. On peut dire qu'elle est roumaine, d'accord, d'origine, mais il n'y a qu'en France qu'on trouve ce genre de féminazie complètement desséchée, horrible. Dans les autres pays, elles n'ont même pas. Je me permets Oui, d'intervenir. attention, attention. Je me permets d'un fémi bolchevique si tu veux, mais fémi nazi, je m'inscris totalement en faux. Ah oui, Pas du il y mal. a des Ta oui, langue a fémi-bolchevique, fourché. c'est mieux. Oui, voilà, fémi bolchevique, ça c'est beaucoup mieux. Et ça correspond. Ne Voilà. reprenons pas le vocabulaire de la droite juive, par pitié. Voilà, c'est ça, c'est T'as ça. raison, t'as raison. Reprends, Astérix. Non, non, bah voilà, t'as bien fait de me reprendre parce que c'est vrai que ce terme féminazie est une sacrée escroquerie. Donc, je disais que ce genre de femmes n'existe qu'en France. Dans les autres pays, on ne leur laisse pas la parole, elles n'ont pas le droit de s'exprimer. Une femme doit déjà être un minimum féminine, quoi, avant de pouvoir parler. Sinon, elle s'exprime pour la communauté lesbienne, elle s'exprime juste pour des dégénérés, un groupuscule. Mais elle, Solange te parle, a la prétention de s'adresser à tous les Français. Et malheureusement, je suis sûr que dans son public, il y a beaucoup de Français lambda qui l'écoutent. La France est un pays tellement taré sur le plan de son rapport à la femme. Elles ne sont plus du tout à leur place dans ce pays. Et puis elles en deviennent tarées, elles sont complètement hormonalement déréglées, enfin bref. Je pense qu'il y a un rapport, en fait, quand les hommes deviennent quand les hommes se mettent à produire trop d'ostrogène, là, c'est un espèce de mécanisme automatique. Je ne sais pas s'il y a eu des études là-dessus, mais je pense que les femmes, d'instinct, produisent énormément de testo. Et vu qu'en France, on a sûrement les hommes qui produisent le plus d'ostrogène, ben, c'est pas étonnant d'avoir des Solange, je te parle, quoi. Bon, alors moi, ce qui m'a choqué chez Solange, je te parle, c'est ses genoux. J'ai été vraiment outré. La dernière fois que j'ai vu des images comme ça, je crois que c'était des gens qui étaient déportés, je crois. C'est incroyable d'avoir des genoux pareils. On devrait pouvoir être verbalisé en France pour avoir des genoux comme ça. Du coup, j'ai eu un peu de compassion quand même. Alors, on n'a pas vu la gueule de l'escorte. On dit escorte, hein, mais le gigolo, j'ai pas vu la gueule du gigolo. Est-ce que c'est une espèce de machin d'Amérique du Sud? Est-ce que c'est on sait pas, on saura pas. Mais là, et Dieu sait pourtant que je suis avare en empathie, surtout avec les peuplades un peu bizarres. Mais alors là, quand même un nègre, j'aurais un peu d'empathie pour le nègre, parce que là, faut vraiment y aller quand même, hein. Faut vraiment y aller. C'est un remède contre l'amour, hein, Alors j'allais dire cette bonne femme. Comme le dit Fred, c'est pas tout à fait sûr, hein. Là, elle a une gueule de petit garçon. Hein. Ouais, je sais pas. C'est peut-être le lundi, c'est une femme. Le mardi, c'est un mec. Je sais pas trop. Peut-être qu'elle-même ne le sait pas vraiment. Mais non, je sais, ça, c'est... Enfin, je vous assure, si vous avez des problèmes d'addiction à la pornographie, matez les vidéos de Solange te parle, je vous assure, ça c'est radical. Vous allez, ça va régler tout seul, très très vite, un peu trop vite peut-être même. Enfin, sur le fond du problème, qui est quand même en fait l'exhibitionnisme subventionné par l'argent des Français. Hein, c'est ça, hein, c'est des putes féministes qui se mettent en scène en train de se faire baiser à coups de dizaines de milliers d'euros par an. Enfin, c'est... Oui, enfin, tu as rappelé là, l'extrait de Numérama du CNC. Il y a Cyprien Love, ou Love, je ne sais pas, qui est cité. Lui aussi est roumain, hein, il touche des sous. Je ne sais pas ce qu'il y a avec les Roumains. Y aurait-il une question roumaine à laquelle nous devrions répondre? Mais voilà, le problème est posé. Romano Chukalescu. Une question judéo-romaine, peut-être, non? À creuser. Pour eux, je voulais prendre la parole. Ouais, faut pas trop donner d'importance à ces gens-là. Quand on voit le nombre de vues qu'ils ont et le pognon qu'il faut mettre dedans pour les faire exister, finalement, bah, ils ont pas beaucoup d'écho. Moi, je pense qu'il faut vraiment. Alors. Vraiment les remettre dans leur perspective, hein, c'est-à-dire des mecs qui sont tenus à bout de bras. Par un système qui commence franchement à crever, quoi. Ah, je sais pas bien, parce que tu regardes les likes, tu regardes les commentaires sous les vidéos, t'as quand même un peu peur, hein. Oui, non, tu me dis, bon, tu regardes les commentaires, mais ces commentaires, c'est les gens qui ont été intéressés par la vidéo. Moi, je regarde le compteur de vues, bon, je connais d'autres youtubeurs pas du tout subventionnés qui font beaucoup plus qu'elles. Non, c'est ces gens-là, c'est très artificiel. Hein. Tu leur coupes la vanne. Ne serait-ce que le fric, le fric des subventions, bah, je pense pas qu'ils vont survivre très longtemps, en fait. Hopman. Ouais, on n'a pas expliqué non plus comment ça se passe, l'attribution des subventions. Il faut savoir qu'en fait, le CNC donne donc de l'argent via une commission de youtubeurs, en fait, et c'est des youtubeurs et qui sont pour la plupart affiliés à M6, si je ne dis pas de bêtises, enfin qui ont bossé pour M6, qui vont décider de qui reçoit les subventions. Et en fait, le truc, c'est que ils se connaissent tout le monde. Pour vous faire simple, c'est comme si l'État français donnait 100 000 euros dans une synagogue, et que les gens à l'intérieur de la synagogue s'octroyaient les uns les autres des subventions de 10 000 euros pour faire des projets. C'est vraiment exactement le même fonctionnement. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas refuser une subvention à quelqu'un qui va par la suite être au panel, qui va décider de savoir si vous allez recevoir la subvention ou non. Donc en fait, tout le principe est faussé. Donc en gros, tous ces youtubeurs de merde là, qui en plus n'ont absolument aucune dignité, parce que ces gens-là, il faut savoir que leur vie, ils la gagnent déjà très très bien. Quand vous vous appelez Cyprien et que vous faites plusieurs millions de vues, que vous êtes rémunéré par YouTube et d'autres process, qu'est-ce que vous avez besoin d'aller quémander ou gratter 10 000, 20 000, 50 000 euros? Honnêtement, on parle des journalistes qui se font taper dessus ou dégager des manifs, mais des pseudo-artistes dans ce genre-là, ces espèces de mendiants qui en plus ont un effet néfaste sur les jeunes qui les regardent. Parce que là, on parle de Solange, je te parle, mais il y avait aussi l'autre pute blonde là qui se tape que des nègres, qui expliquait à plusieurs millions de jeunes filles des pratiques sexuelles issues de tout droit des films porno qui a été fondé par les juifs, avec la perversion de l'ordre moral chrétien en tête. Bon, expliquez-moi ce que ça fout encore sur deux pattes en France, à notre époque. Enfin, si, oui, on le sait, mais dans le futur, ça, c'est niette. Fred dans l'évier. J'ai envie de te poser une question quand même. Sur ce principe de subvention gouvernementale pour des youtubeurs. Est-ce que tu peux me donner un petit peu ton sentiment sur ce principe et ce principe-là là. Je pense que c'est très franco-français ça. Hein, très, oui, franco-bolchevique. Oui, c'est communo-communiste. C'est-à-dire que normalement, bon, si le youtubeur produit du contenu de qualité, normalement il est rémunéré. Il peut même se rémunérer via des produits dérivés, enfin des abonnements. Il peut vendre tout un tas de choses. Il n'a pas besoin, je veux dire, on peut demander des dons. Enfin, il y en a plein, des gens qui vivent de dons pour telle ou telle émission, qui réservent un accès privilégié à des membres de différents niveaux, etc. C'est tout simplement, enfin, c'est l'aveu, si vous voulez, quand vous êtes obligé de donner des subventions à des gens comme ça, c'est un aveu que ces gens produisent de la merde, parce que les gens qui produisent du contenu intéressant se vendent sans avoir besoin d'aller réclamer de l'argent à l'État. Et évidemment, c'est le contribuable qui paye. Les Français, de toute façon, sont vraiment à l'ouest hein, par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils trouvent ça normal de payer, je veux dire, pour la Sécu, ils trouvent ça normal de payer pour les dépenses de santé des nègres, mais de n'importe qui, hein, du dernier dépouilleux qui débarque, même parmi les Blancs, c'est-à-dire en France, on trouve ça normal de payer pour le dernier des cassos qui fait absolument n'importe quoi. C'est un principe effectivement très très français, même si on est entre guillemets national-socialiste et qu'on croit que qu'il y a un besoin d'un certain niveau de justice ou de répartition sociale, etc. On n'est pas obligé de redistribuer aux gens les plus débiles, aux gens les plus abîmés. Bref, on n'est pas obligé de faire pousser de la mousse et de la pourriture, quoi. C'est pas obligatoire. Hein. Alors, Porovitch faisait observer un truc. Il disait, je crois que c'est Porovitch qui disait pourquoi ils en ont pas besoin, Cyprien, etc. Ils font des millions de vues, ils ont pas besoin de toucher du blé pour vivre, quoi. Hein. En fait, c'est pas tellement un besoin que une façon d'hameçonner, parce qu'il faut bien voir que, je veux dire, on n'a jamais rien sans rien. Et cette république juive ou judéo-maçonnique, c'est selon, ou judéo-communiste, c'est selon, a bien compris qu'en fait tout le vieil appareillage médiatique en place n'arrivait plus en fait à amorcer dans la jeunesse. Ils ont bien vu le phénomène Dieudonné. Alors c'est pas je suis pas un fan personnellement de Dieudonné, quoi, je veux dire, c'est pas la question, mais ils ont bien compris qu'il se passait des choses dans l'opinion publique, notamment, on va dire, des générations en dessous de 40 ans, à peu près, et encore plus chez ceux qui ont moins de 20 ans, il y avait des dynamiques qui allaient tellement vite que là, ils perdaient le contrôle, ils l'ont senti. Et ils se sont dit, bon, il y a des gens qui sont en prise avec ces publics-là, et que l'on doit absolument contrôler politiquement. Et en fait, c'est un petit peu, c'est un petit peu comme la guerre de Troie, quoi. Hein, vous présentez quelque chose comme un cheval qui a l'air d'être un cadeau, mais en fait le cadeau il est empoisonné, quoi. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, bon, je vous rassure, hein, les gens comme Cyprien sont pas des opposants déterminés ou des gens qui ont une éthique. Hein, ils en ont rien à foutre. Ils vont là où est l'argent. Mais disons qu'on les appâte, on leur dit, écoute, c'est super ce que tu fais. On va te subventionner, etc. Ce qui n'a pas de sens au plan économique, parce que ces gens vivent très bien, mais c'est pas économique, c'est politique. Puis ensuite, on va leur dire, non, mais il y aura des events et tout, voilà, parce que c'est jamais fait directement, c'est pas le ministre qui téléphone en personne au gars. C'est des médiateurs, des beans, des machins, c'est souvent des agents d'ailleurs du secteur privé qui bossent en concertation avec ces ministères ou ces politiciens, et qui les ramènent invariablement vers la machine. Et de toute façon, comme ces gens-là ne sont pas des gens qui ont du caractère, une éthique, voilà, bah, de toute façon, ils tapinent. Voilà. Donc, par définition, c'est vraiment le modèle anti-Dieudonné, parce que Dieudonné, on peut être en total désaccord, je veux dire, avec ce qu'il a pu dire sur tel ou tel sujet, ou même avec le personnage en lui-même, ou ce qu'il est, ou ce qu'il a pu faire. Mais le fait est que c'est quelqu'un qui évolue complètement hors du système politique dominant, c'est quelqu'un qui est vraiment combattu par le gouvernement, quand il essaye de se produire, les mairies rentrent en action, etc. Donc, face à des gens comme Dieudonné, en fait, ils essayent de promouvoir, de coopter des gens comme ça. Donc, voilà. Donc, pourquoi, en fait, on leur donne des passes ? Ben, en fait, c'est simplement pour contrôler l'opinion publique chez les plus jeunes. Parce qu'ils ont bien pigé que c'était pas les El Kabash, les Duhamel, les Cohn-Bendit qui allaient faire la pluie et le beau temps dans les 10 ans à venir. Quoi. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Quelqu'un d'autre ou on passe au sujet suivant ? Je vois que... Attendez, oui, attends pour moi. Il y a Alexis qui voulait prendre la parole. Oui, bah, rien que sur le principe des subventions dont vous avez parlé, je ne reviens pas sur tous les détails, mais ça voudrait dire que c'est à l'État et donc au gouvernement différent de dire ce que c'est que la culture. Mais la culture, bah, quand vous allez à l'étranger, les gens vous parlent de la culture classique, ils vous parlent de Balzac, je sais pas, de Léonard de Vinci, et la culture française était respectée. Donc on est tous d'accord sur ce que c'est que la culture au sens historique, classique du terme. Mais si jamais il y a des gens qui sont vraiment talentueux, qui sont sur YouTube, etc., que ce soit des musiciens ou autres, ils auront les moyens de toute façon de se faire connaître. Hein. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de se faire connaître. Donc à partir de là, il y aura toujours des donateurs pour financer ce qu'ils veulent bien regarder. Et puis, le ministère de la Culture lui-même, c'est un truc dont le budget est en hausse constante depuis des années, et d'ailleurs même sous Macron, et ça a atteint presque 10 milliards d'euros, alors que c'était que 7, que, entre guillemets. 7 milliards et quelques sous Hollande, donc on dit Macron, le gestionnaire et tout, là ça a beaucoup augmenté. Bah, ça augmente, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est une arme d'influence politique. C'est-à-dire que c'est une façon, c'est la cour moderne. C'est-à-dire que vous allez acheter tous les intermittents du spectacle, vous allez acheter les acteurs ratés qui se reconvertissent dans la réalisation de films, enfin de navets, les pièces de théâtre foireuses du Tout Paris, le Festival d'Avignon pour les mêmes d'ailleurs, etc., etc. Pour même pas citer les artistes contemporains, ça c'est le mot pudique pour dire les tarés qui produisent des bouses dont personne ne parle, ou qui incendient, parce que vous avez remarqué, il y a des gilets jaunes qui incendient des mains jaunes parfois dans certains endroits. Comme à Châtellerault, c'était assez rigolo. Donc en fait, c'est une façon d'acheter ça. Pourquoi? Parce que c'est un réseau d'influence. Tel artiste, tel cinéaste, tel acteur, tel musicien, etc., a un carnet. Ensuite, dans ses relations autour de lui, ben, il va parler plus ou moins bien du président en place et de la coterie qui l'entoure. Donc ce n'est jamais gratuit. Quand Macron arrose de pognon. Ce qu'ils appellent le monde de la culture. Non, non, ils arrosent des parasites qui sont payés pour faire sa propagande. Hein, c'est ça. Et en échange, ouais, je te paye ta croûte, je te paye ton nanar, je te paye ton exposition à la con, etc. Et quand vous creusez, vous allez voir, il y a des scandales absolus. 10 milliards d'euros en France pour ce qu'ils appellent la culture, qui est largement d'ailleurs sémitisée, c'est scandaleux, absolument Avec scandaleux. des pédophiles souvent à la tête, parce que moi, t'as coupé un peu. Oui. Jack Lang a été plusieurs fois ministre de la Culture, on connaît ses penchants. Frédéric Mitterrand aussi était ministre de la Culture. Et en ce moment, c'est Franck Riester. Je sais pas, je connais pas trop son profil, mais ça me semble assez louche. Ouais, il s'est violemment érigé contre le fait que le peuple savate les journalistes du système, rétribués par le système, niche fiscale à la clé, parce que en fait, bah voilà, en fait, hein, ils ne permettent pas aux journalistes rétribués par le gouvernement de faire leur boulot de propagande. C'est fascinant, hein, non, mais c'est une belle machine. Ouais. Et donc c'est important de souligner. Moi, je propose d'abolir le ministère de la Culture, 10 milliards d'économies. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on le voit bien, les artistes, ils sont là pour. Pseudo-artistes subventionnés sont là pour ricaner, alors qu'ils font un petit peu d'opposition, c'est vraiment l'opposition de carton de pâte, l'opposition de pacotille. Et puis d'ailleurs, on le voit très bien, il y a quelque chose de très clair, c'est qu'aucun d'entre eux ne soutient les Gilets jaunes. Ah non, mais ils l'ont affirmé même, hein. Ils l'ont affirmé, hein. Les enfoirés et compagnie. Ah ouais, ils l'ont revendiqué, c'est-à-dire on a posé aux enfoirés, alors les Gilets jaunes, qu'est-ce que vous pensez du peuple quand même qui en chie, etc. Ils ont des niettes. Ah non, non, non, d'abord c'est parce que c'est une répulsion, parce que ça c'est bien avec cette histoire, les gens ont pu voir clair. C'est-à-dire qu'ils ont pu voir que les Muriel Robin, les Patrick Bruel et compagnie, ce sont des gens, si vous voulez, qui ressentent un malaise physique au contact du petit peuple. Dans une salle de spectacle, ils s'en foutent, hein. De toute façon, on voit presque pas le public, ils s'en fichent, ils signent des autographes, ils partent. Mais d'être au contact du peuple qui souffre, ça les intéresse pas du tout, hein. Et de toute façon, vous avez vu ce qui s'est passé avec Franck Dubosc. Franck Dubosc, c'est caricatural, quoi. Le type. Il sent qu'il se passe quelque chose d'important, donc il prend un peu le train en marche. Oui, je suis solidaire avec vous, machin. Hop, il y a tous ses copains du showbiz, les juifs, les PD, les macronistes, les socialistes enragés. Mais t'es fou, tu soutiens des fascistes, des beaufs. Le type, On lui montre les images de quelques clashs sur les Champs-Élysées. Tu parles, n'importe qui voit une manifestation en France depuis 50 ans, on voit des clashs, ça change rien. Il rétropédale, ah oui, non, vous êtes des fascistes, au secours, etc. Et là, son public, qui est un public, excusez-moi l'expression, comme dit Charlie Hebdo, de beauf, hein, dit espèce d'enculé, on va boycotter tes spectacles. Et là, le mec, il sent que c'est sa caisse à lui qui est en danger. Et là, il tente un numéro d'équilibriste. Et ça dit tout, en fait, de ce milieu d'enculé, d'encocaïné, de camé, de pédophile, parce que ces mecs-là baissent des gosses, vous avez même pas idée. Bon, voilà. C'est. Alors, on s'écarte, hein, mais en même temps, on reste dans le même sujet. Parce que Solange te parle, c'est évidemment... alors ça, c'est vraiment les petites mains de ce monde-là. Mais c'est ça, hein, c'est des dégénérés complets qui se cooptent les uns les autres, qui ont la main sur les caisses de l'État et qui font des... C'est pour ça que vous avez c'est pour ça que vous avez le cinéma français que vous avez, hein. C'est pour ça que vous avez ça, hein. C'est pour ça que vous avez du Jamel Debbouze et compagnie. Hein. Oui, juste un petit truc par rapport à ce que disait, je sais plus si c'est Alexis, oui, par rapport à Franck Riester, là, c'est un homosexuel assumé qui a dit, je crois, oui, c'était en décembre 2011, hein, il dit publiquement que son homosexualité n'est pas un secret, donc encore une grosse pédale à la culture. On connaît le penchant des pédales très très courant pour les petits garçons. Voilà, je crois qu'on peut en rester là. Libre à vous de mener l'enquête. Derrick. Ouais, juste, tu parlais de ces artistes là par rapport aux gilets jaunes qui faisaient les fiottes. Hein. Les youtubeurs, c'est pareil. J'ai envie de dire, c'est même pire. C'est-à-dire que tu vois tous ces connards là qui se coalisent pour faire des trucs. Non, mais attention, il faut sauver la planète parce que. Avec ta Renault Mégane, tu vas tuer le monde. Tu vois, c'est toi qui vas engendrer la fin du monde. Et ils te culpabilisent, ils font des vidéos là, ben subventionnées, pareil, pour dire à quel point on est des enculés. tous ces youtubeurs là, ils ont déjà, j'irai pas manifester, mais ils ont déjà chialé pour avoir de la subvention. Quand YouTube, qui est une entreprise privée, hein, faut le rappeler, qui fonctionne sur la base du capitalisme, et le capitalisme c'est méchant, surtout quand t'es un youtubeur de gauche, et ben ces youtubeurs, ils ont demandé à Macron un statut spécial, et ils ont demandé à l'ultra-libéral Macron, hein, qui est, comme tout le monde le dit en ce moment, le suppôt du capitalisme sauvage, ils ont demandé des subventions, ils ont demandé de l'aumône. Donc plutôt que de faire des produits de qualité qui sont visibles et qui soient rémunérés par la publicité, hein, comme c'est le but de YouTube, eh ben non, ils ont chialé. Et t'as tout à fait raison, Gandalf, de dire qu'en fait les juifs sont terrifiés à l'idée qu'un type lambda à la Dieudonné. Alors moi je pensais au youtubeur suédois qui fait des jeux vidéo et qui a demandé à deux Indiens. PewDiePie. Exactement. Ouais. Et qui a demandé à deux Indiens de décrire mort aux Juifs sur un écriteau. Donc si on avait un Squeezie, tu vois, qui écoutait nos émissions et qui était chaud pour le quatrième Reich, effectivement, les Juifs feraient dans leur froc. Alors, précisons que PewDiePie a 75 millions d'abonnés. Hein. C'est pas juste un mec qui a 1000 abonnés, il a 75 millions d'abonnés. Et après, il a fait... désolé, ouais, je voulais pas offenser les gens, c'était juste pour voir jusqu'où on pouvait aller. Enfin, la petite pirouette et tout. Et en fait, YouTube, ils savent pas trop comment le prendre, parce que le mec est tellement populaire, PewDiePie, quoi, il est tellement populaire dans le monde occidental que... Si YouTube le censure, il y aurait un backlash qui serait absolument énorme contre le branding de YouTube. Ça serait trop. Ils le censurent pas, mais ils ont. Il est clairement pas dans les faveurs de l'algorithme, c'est-à-dire qu'il a. Son nombre d'abonnés qui diminue. Donc quand il a vu ça, il dit putain, c'est bizarre. Normalement, de manière organique, tu dois gagner des abonnés, et lui il diminue. Donc c'est pour ça qu'il a lancé tout du coup des une campagne inscrivez-vous à la chaîne PewDiePie, et il y a d'autres même youtubeurs plus classiques qui ont embrayé, et du coup bah, sa chaîne bah, de trust tous les records. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Alors, en plus, comme il a vraiment le phénotype de l'Aryen, ça doit faire tousser, quoi. Alors, Alexis, vous voulez reprendre la parole sur ce... Rapidement. Oui, ce qu'on vit en ce moment, ce qu'on a décrit, c'est l'accomplissement du projet. Il faut pas oublier que le ministère de la Culture a été créé en 58 par De Gaulle, donc il est consubstantiel à la Ve République. Il l'avait donné déjà au départ à Malraux, qui était un communiste, et qui était d'ailleurs un cocaïnomane, semble-t-il. Oui, un drogué, oui. Voilà, donc voilà, c'est l'accomplissement du projet. Mais d'ailleurs, comment dirais-je, cocaïnomane, drogué, voleur, trafiquant de la pire espèce, enfin c'était vraiment un grand bandit, certainement pas un idiot, mais un brigand, hein. Donc ça a été créé là-dessus, hein. Et De Gaulle, c'est ça qui est... De Gaulle a pompé les textes, enfin s'est allié aux communistes et a repris des suggestions des communistes, et il est toujours resté sur cette idée de pacte avec les communistes et avec l'Union soviétique. Et on voit les conséquences, c'est-à-dire que les gens qui veulent blâmer François Mitterrand, etc., François Mitterrand, c'est juste la continuité de ça, hein. C'est juste la continuité. Même Macron n'innove en rien, ne crée rien, non, il continue, c'est-à-dire qu'il achète. Enfin, c'est le système qui achète des parasites pour porter. Mais là, pour le coup, eux parasitent pour bouffer, mais qui parasitent notre espace, si vous voulez, audiovisuel, quoi. Mais partout, vous avez des artistes en résidence, ça c'est fascinant aussi, ça. Vous savez pas, les Français savent pas que ça existe, ça. C'est-à-dire que vous avez des résidences, des trucs extraordinaires, hein, des bâtiments du Moyen Âge qui sont restaurés, etc., des trucs comme ça. Et on appelle ça des résidences pour artistes. Et c'est financé par les régions, par les FRAC, hein, donc les fonds régionaux d'art contemporain. Beaucoup de ceux qui nous écoutent ne savent même pas que ça existe, hein. Ça pompe des millions et des dizaines de millions d'euros tous les ans. Et là-dedans, on te fout des cocaïnomanes, des machins. Les mecs te pondent des croûtes, écrit soi-disant des pièces de théâtre, des machins, etc. Il n'y a aucun rendu, tu ne peux pas quantifier, je veux dire, parce que ce sont des. Tout est subventionné par l'État, donc il n'y a pas de marché, si vous voulez. Il n'y a pas de marché, on ne sait pas ce que ça vaut vraiment. Hein, au plan artistique, on n'en sait rien. Et ces gens-là parasitent, vivotent, etc., uniquement par le réseautage qui passe très souvent quand même par l'anus, voilà, ou le prépuce, ça dépend. Et voilà, et ce petit monde bouffe, bouffe, bouffe, bouffe, et année après année, ça augmente. Rassurez-vous, hein, dans 10 ans, si ça continue comme ça, dans 10 ans, donc les Français les plus pauvres, vraiment les plus pauvres, hein, je dis, hein, boufferont 3 boîtes de cassoulet par mois, à peu près, et vous aurez des artistes contemporains qui seront payés 15 000 euros au mois pour écrire 3 pages. Ils appelleront ça, comment dirais-je, pièce de théâtre dédiée à je ne sais quoi. Voilà. C'est la réalité, c'est la réalité. Il y a des gens qui vivent très bien dans ce système bolchevique. C'est le principe du bolchevisme, hein. Il y a des apparatchiks et puis il y a les autres, quoi. Et ces gens-là vivent très bien, ils ont des résidences qui leur sont réservées, ils ont des passe-droits qui sont spécifiquement conçus pour eux, voilà. Et ils ne fréquentent jamais le peuple, hein. Vous n'interagissez jamais avec ces gens-là. Jamais. Jamais, jamais. Bon, on a fait à peu près le tour. Je vous propose de... Ah oui, tiens, c'est pas bête ce qu'il dit Porovitch là. Porovitch me dit, peut-être avant qu'on passe au dernier sujet de cette première partie, il y a beaucoup de fils d'eux, alors vous avez envie de me dire de fils de pute, mais beaucoup de fils d'acteurs connus, ou de petits-fils d'acteurs connus, ou de petits-fils de chanteurs connus, qui, parce qu'ils portent le bon nom, rentrent dans ce système. C'est-à-dire ils bénéficient des aides, en plus des royalties de leurs parents, quoi. Peut-être Porovitch veut nous en parler, ou quelqu'un d'autre? Oui, enfin, tu cites les acteurs, mais je pense que ça peut être élargi à toute la bourgeoisie républicaine, enfin, les Oui. gens du système, hein. Les fils de ministres, les fils de juges, enfin bon, s'ils sont pas foutus d'avoir, disons, un vrai travail, bon, il faut artiste, quoi. Ah bah Et avec... c'est bien ce que tu dis, parce que tu dis, ouais, il faut élargir l'idée. C'est ministre à la transition écologique, c'est ça? Non, c'est de Rugy qui s'occupe de ça, mais la fille de Stoléru, elle s'occupe de quel ministère à la con, là, pour racketter les goy, là? Comment elle s'appelle, celle-là? Elle est horrible. Elle a un physique... Je Oh sais là, oui, plus, oui, effectivement. Stoléru Emmanuel Vargon. Wargon. Ouais, bah, c'est quoi son ministère, ou son secrétaire d'État? C'est quoi son truc? Elle est députée, elle n'est pas ministre. Non, Non, elle ministre. est secrétaire d'État à l'écologie. Voilà. Évidemment, avant, elle était lobbyiste pour l'huile de palme. Voilà. Donc oui, ça fait ton sur ton. Donc la fille de Stoléru, donc ministre socialiste sous Mitterrand, que Le Pen a confronté brillamment dans un échange sur le plateau de Jean-Claude Bourret, si ma mémoire est exacte, la fille donc de ce ministre socialiste juif, je le précise, ouais. est secrétaire d'État sous Macron. Elle est secrétaire d'État sous Macron, et c'est quoi son boulot? C'est de faire casquer les goyes au nom de l'écologie. Donc ça rejoint ce qu'on disait, le point de départ, quand on parlait des gilets jaunes, on va y venir là, les taxes sur le carburant, etc. On est dans le même truc, c'est-à-dire que les parasites cherchent à tout prix des motifs pour s'alimenter sans arrêt, quoi. Et c'est les mêmes gens de génération en génération. De plus en plus, on voit que la filiation ethnique et tribale est la même. Et voilà, donc ça rejoint ce que dit Porovitch. Alors effectivement, il dit, oui, on peut parler des acteurs, mais en fait, on peut parler plus généralement de cette caste parasitaire qui contrôle le système, et il a tout à fait raison. Putain, et Emmanuel Wargon, elle a quand même une tronche de... De ce dont je te parle, hein. Inceste quasi cannibale, hein. Je tenais à le dire, Eh, si vous êtes pas gentil, au nouvel an, je vous fous tout seul dans une pièce avec Solange te parle et Wargon. Ah là, c'est la punition. Ah là, c'est la punition, putain. Et c'est marrant, elles ont exactement la même coupe de cheveux. Ouais, ouais. Bah, à mon avis, un centre pénitentiaire aux confins de la Sibérie sera plus jovial qu'une soirée avec deux pétasses comme ça, hein. Mais bon. Ah non, et Wargon te bouffe, hein. Regarde, attends. Bah déjà, fiscalement. Elle gueule, mais de vampire juive. Oh là là là là. Elle vient toute. Elle vient des Carpates aussi, celle-là. La légende dit que si tu la regardes dans les yeux, tu te transformes en pierre. Je tiens à préciser que Stoléru, c'est juif, mais c'est juif de Roumanie. Alors messieurs, brièvement, nous allons revenir quand même un petit peu sur la mobilisation des gilets jaunes. Hein, il faut, parce que beaucoup de ceux qui nous écoutent en font partie et veulent savoir. Enfin, ils le savent, ils sont bien informés, mais enfin bon, ils veulent quand même qu'on en parle. Alors, d'abord, en préalable, vite fait, la prime pour les flics. Là, ça n'a pas pris un mois, hein, parce qu'au bout d'un mois de mobilisation des gilets jaunes, sixième semaine de mobilisation des gilets jaunes, bon, ils ont obtenu quoi? Bon, des copecs. Alors, les flics, une journée, c'est réglé, les mecs, ils ont 120 euros net par policier, 150 euros par officier, et la gendarmerie, c'est dès le 1er janvier, même tarif. Et ils ont même pas fait grève, en plus, les gendarmes, ils ont même pas un courrier, rien du tout, hein, c'est, pouf, c'est automatique. C'est bien foutu, non, quand même? Qui veut m'en parler de ça, de... pour mettre un petit peu en nos auditeurs en, comment dirais-je, dans l'ambiance. Pierrot, vas-y. Non, juste une question. Comment on appelle ces gens qui vendent leur cul pour de l'argent, en fait? J'ai un trou de mémoire. Des putes, non? Ah ouais, voilà. Non, c'est tout. C'est... Fred, dans les... Ouais, moi je trouve ça magique. C'est-à-dire que en France, on a des problèmes de... comment dire, de dettes, des budgets, tout ça. Mais alors, quand il faut taper sur des blancs, des prolos blancs qui réclament de pouvoir vivre décemment en travaillant, alors là, c'est magique, il y a de l'argent, l'argent est là, on va vous le donner, il n'y a pas de souci. Quand il faut, évidemment, faire respecter la loi dans des banlieues, là où il y a des bougnoules, des nègres, des trafiquants de drogue, n'importe quoi, bon, ne parlons pas évidemment des pédophiles, hein, on en parlait tout à l'heure. Alors là, bizarrement, il n'y a plus personne, tout le monde se cache, il n'y a pas d'argent, c'est difficile, ça manque de but, ça manque d'équipement aussi, il n'y a pas d'équipement, hein, on manque des gilets pare-bas, des canons à eau, des trucs, on a pas ça, on n'a pas. Par contre, quand il faut aller contre le peuple, vraiment le prolo blanc dans la rue, là, on a des moyens, on a des ressources, c'est faisable. Le reste du temps, on suce des bougnoules, mais bon, voilà. Mais la police française s'étonne, se pose des questions. Comment se fait-il que nous soyons si impopulaires? On a un rapport difficile avec les populations. Alors, avec les Arabes, c'est pas étonnant. Mais là, de plus en plus avec les Blancs. Hein. Ils sont là, oui, mais quand même... Alors, bon, puisqu'on parle un peu des flics, il y a quelques droitards. Alors moi, je supporte pas ce que... Enfin, bon, il y a les nationalistes ou les révolutionnaires de droite, ou on appellera ça comme on voudra, ou selon les orientations des uns et des autres. Mais il y a ceux, en fait, qui ont l'esprit bourgeois, c'est-à-dire que l'ordre en place a raison par définition, et s'ils voient un uniforme, l'uniforme a raison. Peu importe les circonstances, peu importe quoi. Alors ça, c'est une mentalité que ça m'échappe totalement. Mais il y en a, et en fait, quand ils voient des blancs répliquer à des flics qui viennent les chercher, parce qu'on a vu des images là, pas plus tard que samedi 22 décembre dans les rues de Paris, où on a vu des voltigeurs. Les voltigeurs, c'est les flics qui sont à moto avec des flashballs, des grenades, etc., qui font sur la foule pour leur entrer dans la gueule. Ils défoncent les manifestants qui étaient pacifiques. Oui, voilà, ils défilent, ils vont et viennent, il se passe rien, il n'y a pas de casse ou quoi. Ils les chargent. Les mecs réagissent, tu vois, les blancs présents font preuve d'un peu de virilité, ils chargent les flics se barrent en courant, et là, tout d'un coup, c'est fascinant, c'est un concert de larmes sur la condition du flic, quoi. Et là, alors là, tout le monde y est allé. Alors, évidemment, le parti des Républicains en premier, ouin ouin, au secours, mon Dieu, la police républicaine, que va-t-on faire? Bon, Macron, évidemment, puisque c'est ses gardes du corps. Les juifs, jamais on a vu autant de juifs anciens 68ards, qui jadis s'appelaient à tuer des flics dans les rues à coups de barre de fer comme Romain Goupil, trouver tout d'un coup les CRS absolument divins. Ça c'est bien. Mais les blancs n'ont pas le droit de se défendre. Donc il y a des moyens pour les cogner, subitement, hein, et vous avez remarqué, hein, les protocoles ont complètement changé. Hein, c'est-à-dire que quand c'était au Louaka, peut-être la matraque a glissé, alors là ça fait un drama pendant un an et demi, le pourquoi, comment, le type est interrogé sur LCI, alors oui, la matraque, oui. Alors, et là, t'as le nègre, il est là, oui, bah, j'ai du mal à vivre, je sais plus, j'arrive plus à mâcher, voilà, truc, voilà. Et puis tout d'un coup, là, les prolos blancs, ceux qui casquent, hein, ceux qui payent les impôts, se révoltent. Là, subitement, il n'y a plus aucune forme d'inhibition de la part des flics. Ah là, les mecs, ils cartonnent, ils vont au contact, ils passent. Alors là, c'est de l'autoritarisme comme tu aimerais en voir dans les cités le reste de l'année, quoi. Hein. Et vraiment, ils ont, je sais pas ce qui se passe, c'est une espèce de magie. Ils n'ont plus aucune retenue. Ils réclament des moyens, on leur donne immédiatement, comme tu l'as dit, Fred. Et puis là, ça tabasse. S'il y a un blanc qui moufte, t'as tout le parti de la droite qui d'habitude chiale. Oh, mais quand même. C'est inacceptable, les taxes, les trucs, machin. Alors là, ils sont tous d'accord. Ouais, putain, les flics tapés sur la gueule de ces enculés, là, machin. Je sais pas, je trouve ça... Enfin, ça en dit long, quoi. Honnêtement, hein, bon, les Gilets jaunes, je ne sais pas combien de temps ça va durer, ce mouvement. Mais même s'il se termine demain matin à 6h, en un mois, le peuple français a eu une leçon de politique comme il n'en a pas eu en 50 ans. Alors là, tout le monde... est avisé du fonctionnement réel du gouvernement qui occupe la France. Hein. Ouais, tout le monde a vu comment ça marche. Le roi est nu, la violence, ça marche. Emmène ton canon, emmène ton blindé, on en reparle, voilà. Voilà, c'est ça. Non mais vraiment, hein, la prochaine émeute à Aubervilliers ou ailleurs, les mecs, ouais, mais au machin, amène tes blindés. amène tes flashballs, tire dans les têtes, si tu n'as pas de résultat, on en reparlera à ce moment-là, mais pas avant. En revanche, moi je ne suis pas d'accord pour dire que les flics sont des putes. Les flics sont à l'image de ce peuple de merde qui vote pour les fils de pute. Les flics, en revanche, eux, ils ont toujours voté Le Pen. Les flics votent à 50% Le Pen. Donc c'est... Ils votent Sarko, arrête. Hein. Non, les flics votent Le Pen. C'est là, 50% Le Pen, les flics. Hein. C'est comme l'armée. L'armée vote moins Le Pen que les flics. Les flics sont ceux qui votent le plus Le Pen. Donc ce sont pas des putes. Là, simplement, ce sont des gens qui font leur boulot. Leur boulot consiste à obéir aux ordres. Et les ordres leur sont donnés par des gens que nous, le peuple français, élisons. Des gens qui sont des fils de pute pourris. Ils veulent ruiner la France et niquer les Blancs. Donc c'est de la faute des Français, et eux ils se disent, bah c'est les gens que j'ai en face de moi là, bah go pour qu'ils se prennent. Non, les mecs qui manifestent contre Macron sont pas les électeurs de Macron, hein. Faut quand même Oui. Non, je parlais pas de cette situation, oui excusez-moi, là, je me suis mal exprimé, non, je parlais pas face aux Gilets jaunes, mais globalement, les flics nous laissent un peu tomber, parce que nous on les laisse tomber aussi. Mais là, effectivement, les flics qui font du zèle face aux gilets jaunes sont à condamner, ce sont des pires fils de pute, là, ceux qui font du zèle. Mais moi, je pense qu'il y en a qui ne font pas de zèle, qui obéissent uniquement aux ordres, et ces gens-là, on peut pas les traiter de pute, ils votent mieux que le reste de la France. Hopman veut prendre la parole. Il y a il y a pas mal de témoignages à lire en fait. Il y a pas mal de flics qui se font porter pâle, qui prennent des vacances, qui font un maximum en fait, qui se mettent en arrêt maladie pour ne pas avoir à bosser les jours de manifestation des gilets jaunes en fait. Donc finalement, fatalement, qui c'est qu'on a en face de nous? On a soit les gens qui n'ont rien à branler parce que effectivement il y a des gens qui déglingueraient père et mère si on leur donnait l'ordre de le faire. T'as ceux qui n'ont pas de bol parce que ben les gars ils ont pas pu s'échapper de la nasse et puis t'as les mecs qui savent pas quoi penser quoi parce que t'en as partout aussi hein. T'as des ils sont bon ben écoute moi c'est mon boulot et puis voilà quoi. Mais après effectivement je pense que la radicalité qui est celle du mouvement avec toutes les petites actions qui tournent mal. Ça, c'est important, hein, les auditeurs, il faut absolument que vous les partagiez, d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de petits ronds-points où les rapports entre forces de l'ordre et gilets jaunes dérapent, et je pense que c'est très important de les faire tourner et de mettre, en fait, le focus sur la traîtrise des forces de l'ordre, en fait, dans le sens où c'est vraiment la seule chose qui protège le gouvernement de la révolte quoi hein. C'est la chose qui empêche le peuple de les renverser. Et il faut vraiment en fait acculer tant physiquement que psychologiquement les flics quoi et leur faire comprendre, leur faire vous êtes le dernier rempart des fils de pute qui maltraitent depuis 40 ans le peuple français dont vous faites partie. Donc à un moment, il va falloir prendre des décisions. Et puis ça fait mal au cœur parce que bon on a tous on a tous des sensibilités différentes, on a tous des passifs différents. Quand on a, par exemple, bossé, quand on a porté un uniforme, bon, ben, on a un rapport à l'uniforme qui est différent, mais on peut aussi se dire, bon, ben, c'est pas parce que un jour j'ai porté l'uniforme que je ne trouve pas que le comportement des flics actuellement est scandaleux. Bref, il faut savoir faire la part des choses, mais il faut aussi, tout en faisant la part des choses, il faut aussi profiter en fait de chaque instant, qui permet de marquer en fait, marquer le coup, marquer l'opinion, comme ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées. Je regrette hein, qu'on ait besoin d'en arriver là, mais quand on voit les flics dégainer sur des gilets jaunes après que les mêmes flics et balancer des grenades, et pas des lacrymos, mais des grenades qui pètent avec de la dynamite à l'intérieur, qui sont interdites en Europe d'ailleurs, hein, sur une foule qui apparemment n'était pas très agressive, ben ça, putain, c'est du pain béni pour justement motiver les gens, pour leur faire voir ce qui se passe. Et il y a d'autres scènes, comme ça on voit sur un rond-point un flic qui joue au cow-boy, qui veut, je sais pas ce qui s'est passé, mais on le voit aller sur un gilet jaune, et le mec finalement se fait maraver vraiment par les gilets jaunes, quoi. C'est vraiment malheureux, parce que dans un monde qui tournerait bien, les policiers ne feraient que faire respecter des lois qui protègent le peuple, et protégeraient véritablement le peuple. Malheureusement, on n'en est pas là. Et malheureusement, bah, écoutez, tout cet acharnement, ces débordements de violence, ça ne fait que radicaliser les côtés. Et puis les gens devront un jour prendre une décision et choisir un camp. Porovitch. Je ne suis pas d'accord avec Hopman, ils ne prendront aucune décision. Moi, personnellement, je suis vacciné avec les flics. Il y a rien, absolument rien à attendre. Vraiment. Ces gens-là ne se joindront jamais à la population. Au mieux, on peut espérer, disons, une grève du zèle, hein, traîner des pieds. Mais se joindre à la population, j'y crois absolument pas. C'est absolument à vomir ce qu'on voit. Voir ces mecs-là se ramener à la télévision, chialer sur les plateaux de télé pour aller réclamer comme ça, quémander quelques centaines d'euros parce qu'ils ont bien cogné sur la population. Vraiment, c'est à vomir. Ouais, ça vomit. Et je vois des témoignages. J'ai vu un témoignage de CRS où le type chiale, explique qu'il en bave, que c'est pas facile. Et ouin comme ça pendant une demi-heure à t'expliquer qu'ils ont pas assez de grenades pour tirer, pour se protéger des casseurs. Mais connard, t'as pas assez de grenades pour protéger des casseurs parce que t'as tout vidé sur les gilets jaunes qui étaient là depuis le matin. C'est putain, vraiment, les flics, il faut se vacciner avec ça, c'est terminé. On n'a rien à attendre de ces gens-là. En fait, je suis d'accord avec toi, Poro. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne va pas voir des unités entières poser les casques, se tourner le dos à la foule et avancer avec eux en direction de l'Elysée ou d'une mairie ou quoi que ce soit. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des gens qui individuellement font leur maximum, on va dire, pour ne pas avoir à participer. Il y a des objecteurs de conscience, quoi. Après, il faut radicaliser, et puis voilà. Ouais, mais avant de passer au point suivant, de toute façon, c'est inintéressant de parler des convictions des uns et des autres, puisque c'est par définition, c'est pas une entreprise d'individus, c'est une entreprise collective. C'est une institution du système républicain inféodé aux juifs. Donc même si le type, individuellement, il est de nos idées, et Dieu sait qu'il y en a, il y en a même qui nous écoutent, et ils savent tout ce qu'on dit, ils comprennent tout ce qu'on dit. Et ils disent, mais ouais, enfin après, il faut distinguer, hein. Il y a ceux qui sont dans leur commissariat, ensuite il y a les unités qui sont déployées sur les routes pour faire du maintien de l'ordre, gendarmes mobiles, CRS, il y a la BAC aussi qu'on déplace parfois dans le centre-ville, etc. Mais les gars, en dernière analyse, de toute façon, ils vont suivre l'argent, ils vont suivre leur paye, hein, retraite, etc. Donc, en fait, on n'a pas besoin de rentrer, on n'a pas besoin de sonder les cœurs et les reins, c'est pas intéressant, ça sert à rien. Faut juste voir l'institution. La police, par définition, est faite pour protéger le régime jusqu'au bout. Si jamais le régime vacille, s'effondre, etc., 48 heures avant, 72 heures avant, on aura des gens qui viendront vers nous. Ah oui, mais on a toujours été d'accord avec vous, etc. Ça a toujours été comme ça, c'était comme ça. De toutes les époques, ça a toujours été comme ça. Et je ne comprends pas pourquoi... Il n'y a que les droitards, hein, je veux dire, il n'y a que les droitistes, c'est-à-dire les gens qui votent les républicains, voilà, les gens pour qui voilà, un uniforme fait la légitimité, qui n'ont aucune réflexion sur ce sujet-là. Donc, les policiers, les gendarmes, les militaires suivront leurs soldes. Point barre, c'est comme sous l'Empire romain. Voilà, ils peuvent avoir une empathie, une affection, ils peuvent comprendre, bien sûr. Mais un soldat fonctionne à la solde. Point barre. Et c'est pas anormal. Je veux dire, c'est pas anormal. Et il y a que les couillons qui idéalisent l'armée ou la police qui pensent autrement. Non, ils suivent la solde. Et en dernière analyse, qui garantit leur solde? Macron. C'est Macron qui garantit leur plan retraite, c'est Macron qui leur paye leur salaire à la fin du mois, c'est Macron qui leur file une prime, c'est Macron qui les augmente. Voilà. Et les gens n'en ont rien loupé. Ils ont vu tous ces syndicats, le syndicat Alliance qui, je le rappelle, a été en point dans cette histoire de... Bon, les heures supplémentaires, c'est quelque chose qui leur est dû, donc ça, c'est pas un problème. Mais c'est eux qui ont demandé une augmentation, c'est eux qui ont demandé toute une série de choses. Le syndicat Alliance a appelé à voter contre le Front National en 2017, et à voter pour Macron. Et je pense qu'il y a une partie significative. Alors après, il faut regarder les unités, il faut regarder les endroits, les régions... etc., pour nuancer, parce que tout n'est pas homogène là-dedans, bien sûr, mais il faut avoir conscience qu'il y a des gens qui marchent, et beaucoup d'entre eux marchent, comme tous les autres fonctionnaires d'ailleurs, c'est pas spécifique à la police, ils marchent au fric, et tout le monde marche au fric d'ailleurs. Donc, quand Macron leur lâche 120 euros, c'est ce qu'il fait, et il attend des résultats pour ça. Et les résultats, c'est quoi concrètement? C'est de fracasser la gueule du peuple français, des blancs, des français de souche, qui, jusqu'à présent, ont toujours fermé leur gueule. D'accord? Et moi, ensuite, il y a un problème d'éthique. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas respecter une institution comme la police française qui s'écrase devant toute la vermine de banlieue. Les mecs peuvent tousser, hein, ils toussent, hein, ils font des communiqués, syndicats, etc. Mais ils ferment leur gueule quand même devant le régime. Et qui ensuite vont éclater la gueule des prolétaires blancs. C'est tout, c'est irréconciliable. Les mecs, on tire. Aujourd'hui, maintenant, où on parle, ils tirent sciemment, volontairement. Ils obéissent aux ordres, ils tirent au flashball dans la gueule des manifestants. Ils éborgnent des gamines, ils éborgnent des prolétaires, etc. Ils en ont rien à foutre, ils le font. Ils peuvent tirer en l'air, hein, ils peuvent viser au-dessus des têtes, hein, s'ils veulent. Hein. Si le mec a un problème de conscience avec ça, il tire au-dessus. Hein. Bon, les mecs qui visent dans la tête des mecs, moi, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Bon, on peut me faire tout le schéma, le truc, oui, mais tu comprends. J'en ai rien à foutre. Tu tires dans la gueule de manifestants qui sont des Français qui en ont plein le cul de ce qu'ils vivent dans ce pays depuis 40 ans. Si tu leur tires dans la gueule avec ton flashball alors que c'est interdit, en plus, et que tu le fais pas parce que c'est un nègre ou un bougnoule, c'est pas acceptable, ça sera jamais acceptable. Derek, 300 000 personnes, donc à peu près, ça fait à peu près consensus, c'est la troisième semaine qu'on est sur le même niveau de mobilisation, je crois. Non, ça fait pas consensus, ils étaient 800. Ah oui, oui, c'est ça. C'est ça, autant pour moi. Autant pour moi. Enfin, 800, bon. C'est vrai qu'ils sont partis quand même de zéro le premier jour. Pendant les 4 semaines qui ont suivi, ça a diminué. C'est parti de zéro à moins quelque chose. Et puis après, là, c'est quand même revenu à 800. C'est bien, ils nous ont fait ce cadeau-là. Ça baisse toutes les semaines quand même, depuis un mois. Oui, tout à fait. Ça baisse. Hein, c'est ça, voilà. Ouais. Qui d'autre là-dessus sur la mobilisation, est-ce que vous avez un sentiment donné là-dessus, un peu partout en France, Paris, c'était à Montmartre. Bon. Mais, Paris, c'était pas un objectif très important cette semaine. Hein. Ouais, mais ça a bien bougé, Paris, quand même. Hein. Là, le fait d'avoir vu les images là, des types qui envoyaient des grenades là. Aux Champs-Elysées, les mecs arrivaient en moto, hein, les flics, là, pour foutre la merde, hein, clairement, les voltigeurs oui. de Macron. C'est que, bon, voilà, il y avait du monde, il fallait quand même les calmer, quoi. Hein. Et en province, ça a bien fait du bazar par chez nous, dans le sud, donc. On a eu le collègue, là, à Montpellier, qui nous a fait un petit topo qui était pas mal aussi. J'ai l'impression que oui, ça... Bordeaux, on a eu, je crois, jusqu'à 10 000 personnes, je crois, à Bordeaux. Hein. Ouais, des gros trucs. Narbonne aussi, parce que j'ai vu ça. On a eu au boulot, à la frontière franco-espagnole, des affrontements très durs sur l'autoroute, hein, pas à côté, hein, sur l'autoroute, avec vraiment des affrontements, des trucs en flammes, etc. Enfin, des vrais affrontements extrêmement durs, assez peu médiatisés finalement. Hein. Ouais, c'est ça. Les choses qui ne leur vont pas, ouais, ils montrent plus parce que bon, ouais, ça va pas dans la narration. C'est comme les deux nanas là, qui se sont fait sectionner au Maroc. Ça ne passe pas dans les journaux. Hein. Je ne l'ai pas vu aux 20h en tout cas. Hein. Qui d'autre sur la mobilisation, soit dans sa région, soit en général, qui apparemment, selon toute vraisemblance, est stable. Peut-être Pierrot, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Ouais, j'allais dire justement un petit mot sur les régions. Alors sur Paris, c'est un peu cloisonné, alors ça dépend des cas, ça dépend des semaines. On a vu que les flics, ils ont mis quand même un bon paquet, on en a parlé justement dans l'émission, pour en fait cloisonner et empêcher genre les Champs-Elysées et tout ce qui est autour. En région, franchement, moi de ce que j'ai vu, hein, ça bougeait pas mal. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que les cibles, elles sont assez cohérentes. C'est-à-dire c'est des choses qui font chier vraiment l'État, tout simplement. Genre les préfectures, les hôtels de ville, l'ouverture des péages. J'ai eu tout un foin justement cette semaine par rapport à l'entreprise Vinci qui a perdu un peu de pognon parce que les péages étaient ouverts grâce à l'action des Gilets jaunes. Franchement, des bonnes cibles. J'ai l'impression que le mouvement d'ailleurs prend de plus en plus d'ampleur en région et je pense que c'est une bonne stratégie en tout cas. C'est mon sentiment parce que on a peut-être plus de liberté en région que sur Paris. Et puis surtout, n'oublions pas que sur les Gilets jaunes, c'est des gens qui bossent, voilà. C'est des gens qui galèrent, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a que des Blancs. Et c'est aussi des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer toutes les semaines sur la capitale. Donc c'est peut-être pas aussi plus mal qu'ils bougent aussi dans leur coin. Bah d'ailleurs, ils avaient considérablement réduit le dispositif, et les Gilets jaunes ont quand même réussi à les déstabiliser sur la capitale avec quelques milliers de personnes, en fait. En sachant, parce qu'ils disent sur Paris, démobilisation, etc. Mais Paris, enfin, depuis le départ, les mobilisations sur Paris ne concernent que très peu les Parisiens. Il y a quelques Parisiens, mais c'est essentiellement des gens qui viennent de l'extérieur. Donc, il n'y a jamais eu de mobilisation parisienne. Ça, c'est une création médiatique. Il n'y a jamais eu de démobilisation. C'est simplement que les gens en France ne viennent pas systématiquement, tout simplement. Et ceux qui viennent, ils font des actions extrêmement ciblées, extrêmement bien pensées. Montmartre, c'est connu dans le monde entier. Évidemment, si vous faites une action là, vous allez avoir un vrai écho. C'est comme au pied de la Tour Eiffel ou je ne sais pas. Enfin, ça pourrait être ailleurs, hein, mais dans des endroits de Paris très très très très connus dans le monde, où vous savez que les médias vont faire des images là-dessus, ce qui fait que vous soyez 2000, 3000 ou que vous soyez 100 000, peut-être que votre action à 3000 aura beaucoup plus d'impact médiatique en réalité que votre action à 100 000, par exemple. MacDav veut prendre la parole. Oui, alors moi ce que j'ai constaté sur le terrain, c'est que les gens sont très très motivés. Et en fait, c'est un peu comme le dentifrice, quoi. C'est-à-dire une fois que le dentifrice il est sorti, tu peux plus le remettre dans le tube. Et peut-être que ça va s'essouffler. Moi, c'est pas forcément ce que je constate, même si effectivement, c'est normal, tu vois, les fêtes, elles approchent. Là, on est dans la période où les jours sont les plus courts. Les gens, ils sont fatigués aussi. Enfin, il faut voir ce que c'est, quoi. Quand il fait nuit à 5 heures, quand il fait jour à 9 heures, que t'as ta journée de boulot, que t'as tes obligations professionnelles, familiales, c'est fatigant. Et moi, j'ai jamais vu une telle motivation. Et je suis intimement persuadé que ça peut repartir, mais du jour au lendemain. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que les Gilets jaunes, ils ont amorcé un truc. Ils ont amorcé un mouvement. Et ça peut repartir de façon explosive pour des raisons qui, à mon avis, ne seront pas forcément politiques. Moi, je pense que ça pourra très bien repartir, par exemple, pour des questions de jugement, tu vois. Typiquement, je l'espère. J'espère que quand un jugement très tolérant contre un pédophile ou un politique sera attribué par la justice, à mon avis, il va y avoir des réactions populaires violentes, hein. Donc le député ou le maire, l'élu local qui a été pris la main dans le pot de confiture, il a intérêt à faire bien bien gaffe, parce que d'un claquement de doigts en 2-3 mails sur les réseaux sociaux, il peut se retrouver face à des centaines de gilets jaunes devant le tribunal. Et ça, c'est très très bien. Et moi, je pense qu'il va y avoir une petite pause hivernale, bien moindre que ce que disent les médias. Mais attention, le printemps va arriver, l'été va arriver, et la chaleur va reprendre. Alors, je précise qu'Éric Drouet a été arrêté. Hein, je crois que là, ce qui va lui arriver, c'est qu'il va être interdit de se rendre dans certains endroits en France. Donc, le bolchevisme se précise. J'ai quand même envie de faire, puisqu'on en vient à parler des Juifs, peut-être un petit tour des réactions des Youpins, parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Je pense que vous ne serez pas contre qu'on les cite, quoi. Je vais vous lire ça, parce que c'est mal. Alors, précisons que c'est à la suite du chant de la quenelle de Dieudonné, qui retrouve une seconde jeunesse, finalement, hein, recyclée sous la présidence Macron, qui a été chantée précisément au pied de Montmartre, hein, donc de la basilique. Bon, en soi, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais c'est suffisant, en fait, pour faire très très peur aux Juifs. Alors là, je cite, Frédéric Aziza, qui dénonce... alors, il parle du lynchage de trois motards. Alors moi, j'ai regardé les images, hein, les motards de la police dont on a parlé abondamment, là. Il n'y a pas eu de lynchage, hein, c'est une connerie. Hein. Vous regardez les échanges, il y a à peine un coup de poing, et ensuite, le flic donne un coup de pied. Voilà, et ensuite, ils partent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... pratiquement pas il n'y a pas d'échange de coups, pour ainsi dire. Donc, les Juifs gonflent. Alors, ils rendent hommage, machin. Et alors, ils citent, hein, Frédéric Aziza, la quenelle antisémite de Dieudonné Mbala Mbala chantée à Montmartre. discours anti-républicain des leaders des Gilets jaunes, etc., etc. Jusqu'à quand ce cirque nauséabond ? L'UEJF, hein, Union des étudiants juifs de France, ces nouveaux actes antisémites portés par des Gilets jaunes contribuent au sentiment d'insécurité des juifs de France et d'impunité des antisémites. Nous demandons à la justice d'identifier et de sanctionner ceux qui commettent ces saluts nazis. Le fameux, la fameuse quenelle, le salut nazi inversé. C'est compliqué, la pensée juive. Comment dire ? Ah oui, on en avait parlé aussi. Élise Fageles, ou Fageles, alors elle représente l'association des parlementaires membres de France Israël, c'est intéressant. C'est elle qui ne connaissait pas le prix du SMIC, en fait. Enfin, la valeur du SMIC, elle ne savait pas combien ça coûtait. Elle était censée Elle était censée le réguler, hein. Enfin bon, à part ça. Qu'est-ce que le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui ? Un mouvement d'extrême droite, raciste, antisémite et homophobe. Est-ce vraiment cela que les Français soutiennent ? La question est ouverte. La question est ouverte. C'est, voilà. Gilles William Goldnadel. Soutien total à la police républicaine. On peut être en jaune et être un salaud absolu. Je crois que lui aussi sent que finalement le courant n'est pas aussi porteur. Je croyais que Goldnadel était nationaliste. Droite radicale. Ah bah si, c'est nos meilleurs alliés. Bah oui, mais Goldnadel, c'est quelqu'un de droite. Vous voyez que les juifs sont de droite, ce sont nos amis. Oui, ils soutiennent la police. Vous n'avez rien compris. La droite radicale de la synagogue. Anne Sinclair, juste détestable, la quenelle antisémite de Dieudonné au menu des Gilets jaunes à Montmartre. Bon, ça c'est... Voilà, bon, Bernard-Henri Lévy. Alors, Esther Benbassa, hein, donc députée EELV, hein, Europe Écologie Les Verts, qui a la joie et le privilège de disposer de 3 passeports, français, turc et israélien. Je pense que le dernier a le plus d'importance dans les 3. Voici ce qu'elle nous dit. « J'ai été solidaire des Gilets jaunes, je le reste. Sauf de ceux qui prennent l'antisémite Dieudonné pour référence et chantent la quenelle, une initiative que rien ne peut excuser et que j'espère être le fait d'une minorité. Il y a du ménage à faire là. » Alors maintenant, c'est fascinant. Esther Benbassa et ses 3 passeports, qui doit mesurer, hein, je crois, allez, les bras levés debout sur une chaise, en gros 1m20, aussi bien d'ailleurs de haut que de large, hein, décoloré avec sa face horrible de sale youpine, prétend gendarmer le mouvement populaire en disant « Non, non, ceux-là, non, ils sont antisémites, j'en veux pas, ceux-là, oui, peut-être. » Voilà. Donc là, ça passe pas. Zora Bitton, on en a eu parlé de celle-là. Alors elle dit abject, abject. Elle officie aux grandes gueules, celle-là. Avec sa gueule. Oh, putain, c'est Moi, je suis la Méditerranée, j'ai beaucoup de difficultés, je vous le cache pas. En tout cas, la rive sud, j'ai beaucoup de mal. Abject, décidément, le jaune a viré bien sombre, couleur égout. Les gens sincères resteront invisibles et les ordures occuperont toujours le devant de la scène. La quenelle antisémite de Dieudonné au menu des Gilets jaunes. Précisons toujours sur le compte Twitter de Zora Bitton qu'elle est maintenant en Israël. Hein. Elle est en Israël. Au moment où je parle, c'est pas des conneries, elle est en Israël, elle a pris l'avion pour Israël. Peut-être la prospection, je ne sais pas, il se passe des trucs. On a donné un exemple en même temps. Hein. Ouais, je ne sais pas. Mais... bon, je pourrais continuer comme ça longtemps, hein. Bernard-Henri Lévy, enfin, toute la clique. Hein. Alors là, eux, ils ont clairement identifié que ce mouvement populaire pose problème. Hein. Fondamentalement, c'est pas juste... Voilà, c'est un mouvement qui est problématique et même qui les met en état d'ébullition, semaine après semaine, toujours un peu plus. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus ? Fred, dans l'évier. Écoute, moi je me félicite de voir cette sale race que sont les juifs se lamenter, pleurnicher, avoir peur, même si je pense qu'évidemment ils exagèrent, hein, comme à leur habitude, hein, c'est un petit peu leur modus operandi, mais voir le tonneau d'huile, Esther Benbassa qui roule un petit peu partout... effectivement, Zora Bitton avec sa sale gueule. Enfin bon, bref, ils sont tous là. J'espère que bon, je pense que la reprise de la quenelle, malheureusement pour nous, c'est plutôt repris comme un symbole un peu générique de contestation, hein, qui réfère à la période Dieudonné, Valls, etc. Je pense pas que ça soit repris massivement comme symbole antisémite, mais sait-on jamais. C'est vrai qu'on a vu des banderoles, des pancartes, voilà, avec des références à des choses. Bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui traîne. J'espère que ça va contaminer un maximum de monde possible. Encore une fois, j'attends, j'espère, j'ai grand espoir de voir une mobilisation devant une synagogue. Il n'en démord pas. La synagogue, effectivement. Alors, je vais peut-être vous raconter un petit conte de Noël, ça va vous faire plaisir. Toujours sur le thème des youpins. Bah, ça fait ton sur ton, puisqu'on parle de Noël, donc la naissance du Christ. Le sauveur, hein, le messie, comme on dit, qui a été vilement assassiné par les juifs, hein, vous le savez bien sûr, et donc bah, ça fait ça c'est raccord, comme on dit. Et cette histoire que je vais vous raconter, dont on ne sait pas si elle est vraie ou elle est fausse, qui est narrée par un journaliste de 20 minutes, donc à prendre avec des pincettes, mais qui a en tout cas été rapportée par un journaliste de 20 minutes, qui a été reprise ensuite par Castaner en personne qui a communiqué là-dessus, parce que maintenant il faut savoir que pour Édouard Philippe, pour Castaner, pour toute une série d'autres ministres, et donc pour le gouvernement français, le mouvement des Gilets jaunes est maintenant officiellement un mouvement antisémite. Sachez-le, hein. Ça y est, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui contestait déjà, je crois, un certain nombre de choses au plan financier. De l'aveu du gouvernement, c'est un mouvement antisémite. Voilà, ils ont dit c'est antisémite. Alors je vous raconte l'histoire. C'est bizarre ça, Gandalf, parce que dès qu'on critique des choses liées à la finance, on devient antisémite. C'est louche, ouais, comme celui-là. Oui, mais ça devait se faire, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, que ce soit l'initiative des Juifs ou par les faits eux-mêmes, etc., de toute façon, à un moment donné, j'allais dire, le dénouement devait avoir lieu. C'est-à-dire que les aveux devaient sortir, que ce soit de la part du gouvernement, que ce soit de la part des uns et des autres. Bon, alors, je raconte l'histoire, c'est sur Twitter. Le journaliste s'appelle Thibaut Chevillard. C'est très rigolo. L'histoire est très rigolote. Hein. Je vous la raconte. C'est pas vieux, hein, c'est en date de c'est en date de samedi. Hein. Non, en date de dimanche, pardon. Donc, sur les faits précédents de samedi. Je n'ai pas l'habitude de parler de ma vie personnelle sur Twitter, mais là, j'ai été tellement choqué par ce que j'ai vu ce soir dans la ligne 4 du métro que je ressens le besoin d'en parler ici. Je vais donc vous expliquer pourquoi, ce samedi 22 décembre, j'ai eu honte. Bon, je précise que le mec a une tête de sale tapette freluquette, il n'a même pas d'épaule. Il a une tête comme une ampoule, une sale barbichette de fiotte. Bon, c'est un gros PD, voilà. Un gros PD de 25 ans, enfin c'est vraiment pas beau, quoi. Un peu après 23h, nous sommes montés dans la rame à Réaumur-Sébastopol. À l'intérieur, trois gilets jaunes, un peu éméchés, hurlant « Macron, démission !». Il s'agissait d'hommes d'une quarantaine d'années, plutôt bon chic, bon genre, qui rentraient de la manifestation. Dans la rame, on entendait que, puis la situation est partie en vrille, ils ont commencé à faire des quenelles de 40. Une petite vieille, cheveux grisonnants, le dos voûté, s'est levée, elle est allée vers eux et leur a demandé d'arrêter. Cette femme âgée leur a dit « Ce geste est un geste antisémite, je suis juive et j'ai été déportée à Auschwitz, je vous demande d'arrêter. » Les trois hommes n'ont pas arrêté pour autant, ils ont rigolé, puis l'un d'eux leur a répondu que les chambres à gaz n'existaient pas. Un autre s'est ensuite mis à hurler « Dégage la vieille, dégage la vieille, dégage la vieille !» Son copain enchaîné avec un bon vieux « On est chez nous, on est chez nous !» La petite vieille est retournée s'asseoir sous leurs insultes. À l'arrêt suivant, elle est descendue, silencieuse, tête baissée. Eux avaient l'air très fiers de leur coup. Ils ont recommencé à scander « Macron, démission ! Macron, démission !» À la station Montparnasse, bienvenue, ils sont descendus et ont disparu au milieu de la foule. Personne dans le wagon n'a repris leur chant nauséabond. La gêne était même palpable, mais personne ne s'est levé pour prendre la défense de cette petite vieille. J'ai eu honte de ce que je venais de voir. Honte de ne pas avoir bougé, ce soir j'ai juste la gerbe. Pour ma part, alors, pensant à tous les actes répréhensibles qu'ont commis contre les populations innocentes blanches ces quelques deux siècles écoulés, et je pense pour plus particulièrement pour ce qui concerne la France, à tout ce qu'on peut leur reprocher, hein, l'invasion de masse, la propagande pour l'invasion, bien sûr, la pilule avortive, la destruction de la famille, etc. Bref, l'état déplorable dans lequel la France et l'Occident, je pense au contraire que cette vieille peau s'en sort plutôt bien, en fait. Et je suis très fier de ces trois gilets jaunes. Quelqu'un veut réagir là-dessus ? Qui voudrait prendre la parole ? Moi, ça m'a fait beaucoup rigoler. Hein. Popoporovitch. Oui, enfin, moi, cette histoire, honnêtement, j'y crois pas une seule seconde. C'est encore un de ces bobards qu'ils aiment à inventer. Enfin, bon, là, tout y est, quoi. Ah oui, l'homme blanc de 40 ans, plutôt bon chic, bon genre. Ah, je Ah sais pas, bon? moi, je sais Ah pas, je bon? sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, honnêtement, je sais pas. La petite vieille, la petite grand-mère qui se lève. Oh, j'ai été déporté à Auschwitz. Oh, allez, allez, allez, Ah allez. non, non, non, mais Arrêtez attention, votre baratin. attention, ce qui a pu se passer, c'est que la vieille peau, qui est une youpine, a sorti le truc traditionnel que sortent ces sales juifs, c'est-à-dire Auschwitz, les nazis. Et que pour la première fois, elle s'est prise dans les dents ce qu'elle devait se prendre les dents depuis qu'elle est née, c'est ta gueule, sale juive. Mais non, ça ils le font devant une On sait caméra pas. quand ils sont en sécurité. Ils vont pas le faire seuls dans une rame de métro. Tu crois quoi? Tu crois que les juifs ils font jamais leur numéro? Mais c'est rempli dans toute la presse quotidienne, ils font ça dans les classes Oui, même. mais dans des lieux sécurisés, devant les caméras, dans leur presse. Mais dans la rue, ils ont pas un gramme de courage. Oh, Cette papa, papa, petite papa, papa, vieille-là se oh serait là, oh jamais là là levée là. toute seule. Oh là là là là là là C'est pas une question de courage, hein, là, c'est juste de la, bah, c'est la tchouspa, tu vois. C'est-à-dire, C'est de l'audace, les hein. Juifs ont quand même, ils ont quand même cette capacité à se sentir, enfin, c'est le peuple élu, tu vois. Ils ont quand même cette capacité à se sentir supérieur, à vouloir faire la morale. C'est-à-dire, moi, je suis mitigé, hein. C'est-à-dire, effectivement, on pourrait croire que c'est scénarisé par Goldstein, Lévy, Productions. Et en même temps, tu vois, la vieille qui vient ra ramener sa moraline de merde, etc., c'est possible, hein. De toute façon, on en aura le cœur assez tôt, je pense. Mais moi, ça me paraît. Ça peut être faux. Ça peut être faux. Mais j'imagine parfaitement la vieille Youpine, qui n'a jamais évidemment été à Auschwitz, c'est entendu, tenter le coup. Je veux dire, regarde, je vais prendre Fulbert à témoin. Fulbert, t'as eu des gens qui ont inventé des histoires, comment dirais-je, enfin les Juifs, oui, ça ils ont fait plus que fait, mais au point de, je veux dire, de mentir avec persistance, quitte à monter des films pour raconter leur déportation avant d'avouer que finalement, bah non, ils avaient jamais été nulle part, etc. Enfin, c'est récurrent, quoi. Oui, c'est vrai, il y a quand même beaucoup de cas connus, mais moi j'abonderais assez dans le sens de Porro. Parce que moi j'ai vécu un cas dans ma vie, il y a de ça plusieurs années, aussi avec une dame d'un certain âge, qui manifestement était juive, je l'ignorais. Et j'étais avec un ami et on parlait dans un lieu public, un hôpital pour être précis. Et sur une revue dans une salle d'attente qui justement pleurnichait encore sur le grand malheur des Juifs, je lui fais remarquer, je lui montre l'article et les photographies d'accompagnant et j'ai dit, tu te rends compte, mais ils sont quand même gonflés hein, avec leurs histoires, là, hein, leur compte à dormir debout. Et le type répond, et dans la discussion, les gens, les deux, trois personnes qui étaient là entendent que ça concerne, comprennent que ça concerne les Juifs, que ça concerne la grande imposture, etc. Et de ces deux ou trois personnes, il y en a une qui se lève, c'était cette dame âgée, elle se lève et elle marmonne, mais c'était très net, elle marmonne en quittant la salle d'attente, oui, mais ce n'est pas aussi simple. Mais en fait, elle fouillait. Donc je serais assez. Je pense que Poporo est plus près de la vérité ou de la réalité en général, je pense. On verra, de toute façon, il y a une enquête qui est ouverte, donc comme tout est filmé dans ces trains, on saura assez vite s'il y a eu une altercation, et si le journaliste a dit vrai ou s'il a dit faux. Je me permettrai d'ajouter, hein, pour compléter ce que j'ai dit, parce que ce n'est jamais qu'un cas, hein, un cas sur combien. Mais les Juifs ont une prudence qui tient à eux-mêmes. Ils ne se découvrent pas très facilement. Ils se découvrent quand ils ont la force avec eux, quand ils ont les caméras avec eux, les micros, les scribouilleurs de journalistes, mais dans la vie réelle, populaire, dans la rue, ils se dissimulent. à fait. Oui, mais ils ont un culot qui... Toute leur escroquerie depuis 3000 ans repose sur leur culot. C'est-à-dire que c'est des types qui ont rien en poche et qui arrivent vers toi et qui te prennent de haut et qui se comportent comme s'ils étaient, si tu veux, individuellement le président des États-Unis. Tu vois, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, en fait. Et quand tu réponds à leur bluff en disant « bah vas-y, montre-moi », tout s'écroule. C'est ça, ce peuple. C'est un peuple d'escrocs. C'est un peuple d'escrocs. On ne peut pas le définir autrement, c'est un peuple d'escrocs. Il est nulle part et pour l'escroquerie. Donc, moi, je veux dire, moi, franchement, l'histoire de la Youpin et ça qui fait son numéro, moi, j'y crois totalement. Je suis totalement. Mais ça ne veut pas dire que ce qui est vrai, ce qu'elle a dit. Mais je dis qu'il est possible, vraiment possible, qu'une vieille Youpin comme ça, en voyant deux, trois blancs un peu trop remuants, qu'elle arrive sur ses grands chevaux en disant comme elle a peut-être fait, allez savoir dans quelles autres circonstances, devant quel autre public. Parce qu'on ne connaît pas la qualité de cette personne. Donc c'est ce que je dis, on va en savoir plus de toute façon, parce que si c'est avéré, ils vont pas se priver de nous en expliquer le moindre détail dans la presse. Ils vont nous dire l'identité des contrevenants, etc. Ça va. Ah bah là, ils ont mis le paquet, hein. Il y a tout... Attention, la police qui est déjà dessus, hein. Ils ont fait tout un fond là-dessus. Voilà, Castaner s'est engagé, il a dit on va éclaircir tout ça. Donc il s'est engagé, de toute façon on va savoir si c'est faux ou si c'est vrai. Alors, bah là, les paris sont ouverts, hein. Vous dites ouais. c'est plutôt faux. Moi, je pense que c'est plutôt vrai, mais Camiton, on verra bien. Mais je propose un deal, Gandalf. Pardon, mais attends, vas-y, je le dis en vitesse. Excuse-moi, Pierrot. Oui, d'accord, oui. Mais ils vont peut-être justement devoir rendre une affaire fausse, un faux témoignage, ce qui est raconté par le bonhomme, là, hein, ils vont peut-être devoir le rendre vrai. Attention. Et pour ce que je disais auparavant, rappelez-vous l'arrogance avec la force, rappelez-vous la vieille Claude Sarraute, qui est aussi une vieille dame, sa fanfaronnade face aux Arméniens qui n'arrivaient à rien du tout, là, vous vous souvenez ? C'est ce que je dis, moi. C'est ce que je dis. D'accord. Ouais, non mais moi je pense que c'est ça. Je crois assez. Moi je pense que c'est vrai. Moi j'imagine totalement la vieille Youpin qui n'a pas connu évidemment la déportation ou quoi que ce soit. Attends, elle a été déportée 3 fois s'il te plaît. Qui a sorti sa carte parce que voilà et parce que il faut. Mais ces Youpin sont d'une arrogance. Puis en plus, attendez. Excusez-moi, vous imaginez un Youpin à Paris, le mec il lit la presse, tous les jours, radio, télé, truc, machin, il est le roi du monde, il lui suffit de chouiner en disant il y a un antisémite qui va marcher sur l'orteil, etc. Mais putain, il y a le ministre de l'Intérieur qui débarque, et c'est la vérité, c'est ce qui se passe, regardez. C'est-à-dire qu'il y a un type sur Twitter qui dit j'ai vu ça, t'as le ministre qui, dans l'heure, réagit sur Twitter officiellement. C'est-à-dire, c'est pas Castaner qui, vite fait, réagit parce qu'il y a un micro qui lui est tendu. C'est que le mec prend la parole. Donc, les Youpins le voient, ça. Que leur gouvernement, enfin, que cette république est juive de part en part, qu'elle obéit au moindre de leurs desiderata. Et qu'il leur suffit de siffler, ils arrivent en courant, tous ces politiciens-là, en juivet, quoi. Donc, ils le savent. Donc, pourquoi s'en priveraient-ils ? D'accord ? C'est factuel, quoi. Quand t'es un Youpin et que tu vis à Paris, t'en perds la tête. Tu sais que c'est toi le patron. Tu sais que c'est toi le patron. Et c'est pour ça qu'ils font tout ce qu'ils font. Quand tu regardes Marie Saint-Filtre, là, dont on a parlé, la Benonielle, là, elle arrive au milieu, mais je sais pas, vous vous rendez compte, ils arrivent au milieu de foule. Déjà, les types sont remontés, ils ont des raisons d'être remontés, on en a parlé, des gens dans la misère, etc., qui sont... Et tu les vois, mais avec leur arrogance, leur putain de tarin, de Youpin, ils arrivent là pour se foutre de la gueule des goyes, tu vois. Elle est à réserver au futur remplaçant du docteur Mengele. Hein, Ah ben c'est incroyable, ils arrivent, et puis, et là ça provoque. Alors, et ils les prennent pour des cons, et entre eux ils rigolent, ils sont là, tu vois. Le rire de la hyène juive, quoi, tu vois. Et ça les amuse, sauf que ce qu'ils n'ont pas pigé, ces cons de juifs, c'est que les antisémites les observent très attentivement. On n'en perd pas une miette. Alors évidemment, le comte gaulois, dont il se paye la tête, n'a pas compris ce qui lui arrive. Mais nous, les antisémites, nous archivons, voilà. Et leur procès sera absolument... Fascinant. Non, mais nous faisons des listes. Et même préparons le matériel pour le Nuremberg des Juifs. Ça a déjà commencé, c'est-à-dire que le procès est en cours d'instruction. Ces images sont diffusées. Alors, c'est pour ça que la youpine Marie Belloniel, là, je l'invite très sérieusement à réviser ses méthodes et surtout les endroits où elle se rend. Parce que si elle croit que son petit numéro de provocation sémitique va durer pour toujours, elle se fourre le doigt dans son gros nez de grosse youpine dégueulasse du ghetto. Parce que là, ils ont carte blanche, là. Mais c'est récent, leur carte blanche. Hein. À l'échelle de l'histoire de la juiverie, 50 ans, c'est rien du tout. Même un siècle, c'est rien du tout. Donc tous ces youpins, là, qu'ils aillent potasser un peu leur histoire et qu'ils aillent regarder un peu ce qui s'est passé. Parce que même dans un pays comme l'Allemagne, contrôlé totalement, comme ils le faisaient. Parce que c'est ça qu'il faut voir aussi. Les gens ne le savent pas, ça. Hitler, dans les années 20, les juifs se payaient sa gueule matin, midi et soir. Ils contrôlaient le pays comme jamais un pays a été contrôlé sur cette terre, peut-être à l'exception des États-Unis et de la France actuelle. Et alors là, c'était tous les jours. Hein. Et l'Allemagne était poreuse au judaïsme depuis très très longtemps. Et puis, il leur est arrivé une crasse qui s'appelait Adolf Hitler. Donc, moi, j'invite ces gens à faire... Ils peuvent pas s'empêcher, ils sont comme ça. Ils ont besoin de provoquer jusqu'à ce que le dénouement soit là. Mais ça va pas durer toujours. Ça va pas durer toujours. Les gens commencent à piger, je ne sais pas si vous avez remarqué, et on en termine là, on fait une pause et ensuite on se retrouve pour la deuxième partie. Mais vous avez remarqué les slogans qui sortent, les posters qui sortent, les banderoles qui sont déployées partout. Attali, Rothschild, Sion, machin. Ouais, mais même moi j'ai été agréablement surpris. Hein, Ah ouais. Macron, putain juif. Eh, attention! Eh, les youpins, là, les mecs sont là, et regardez-les, ils sont tous là, c'est bizarre, les gens commencent. Eh oui, on vous a observé, vous a vu. Ces youpins aiment beaucoup se moquer du goy, tu vois. Alors, ils se moquent du goy, généralement, en faisant une caricature de juif. Méfiez-vous, juif, notre patience a des limites. Bah, tu le vois, hein, Marie Benoniel, quand elle interview là, les gilets jaunes à Montmartre. Tu vois, en fait, son comportement changer. Elle arrive, effectivement, arrogante. Et petit à petit, tu la vois, elle commence à avoir les épaules tombantes, la colonne vertébrale qui se courbe. Et c'est limite si, en temps réel, tu vois, son nez devient de plus en plus crochu. Parce que je pense qu'elle flippe. Tu pourrais prendre 2-3 images dans ces vidéos. Et tu vois qu'elle est terrifiée. Elle est terrifiée. C'est une très bonne chose. Moi, quand je vois la Marie Benoliel, en réalité, je ne vois que son nez. C'est-à-dire que c'est ce nez pornographique qui m'agresse. Voilà, donc je ne vois que ça. Et je crois que de plus en plus de monde ne vont voir que ça avec elle et avec les autres. Moi, je recommande très vivement, parce que là, c'est vrai, ils peuvent encore, hein, de prendre le premier vol El Al à destination de Tel Aviv et de se faire oublier très très vite. Très très très vite. Parce que les gens ne les oublient pas. Ouais, comme on dit, un nid à fumer sous la douche. Mais il faut qu'elle fasse gaffe, parce que si tu fumes dans certaines douches, c'est explosif. Pause musicale et on se retrouve tout de suite après, les amis. Amis fascistes, Blog Dariov te souhaite un joyeux Noël. Ho ho ho! C'est la belle nuit de Noël dans un pays beaucoup trop blanc et les yeux tournés vers le ciel à genoux. Une belle âme humanitaire fait une vibrante prière. Petit migrant Noël, quand tu viendras du soleil avec tes cousins par milliers. peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu as débarqué, drapé d'un boubou debout sur la grève, héros de l'humanité. Petit migrant Noël, quand tu viendras du Sahel avec tes cousins parmiers, n'oublie pas d'apprendre à nager. Oui, l'homme des sables est passé, il est venu sur son radeau et il va pouvoir métisser ce vieux pays, quel beau cadeau. Avec l'accord de notre église, il trouve sa terre promise. Et quand tu seras tout empli de rage, moi je comprendrai tes raisons. Et je ferai tout pour ouvrir ta cage si l'on te met en prison. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 3, épisode 51. Et dans cette deuxième partie d'émission, nous allons parler d'un fait divers, je pense qu'on classe ça dans les faits divers, qui est l'exécution de deux touristes scandinaves, une femme danoise et une femme norvégienne, au Maroc, exécutées par quatre Arabes revendiqués plus tard de l'État islamique, donc des djihadistes, dans les montagnes reculées de l'Atlas, où après avoir été, en tout cas pour au moins une d'entre elles, violées, peut-être les deux, je ne sais pas, puis ensuite exécutées, décapitées, eh bien, on a eu affaire encore une fois à un épisode de violence mahométane. Alors, je vous cite l'article cité, où j'ai pris capital.fr, qui résume un petit peu les faits. Les quatre hommes interpellés pour le meurtre de deux jeunes randonneuses scandinaves dans les montagnes du sud du Maroc avaient, selon Rabat, prêté allégeance à l'organisation État islamique, confirmant les suspicions des autorités marocaines qui penchaient jeudi pour un acte terroriste. Un communiqué diffusé jeudi soir par le procureur de Rabat a confirmé l'authenticité d'une vidéo relayée jeudi sur les réseaux sociaux montrant quatre hommes présentés comme les quatre suspects arrêtés à Marrakech en train de prêter allégeance à Aboubakar al-Baghdadi, chef du groupe ultra-radical. Les corps des deux touristes norvégiennes et danoises avaient été découverts lundi dans une vallée du massif du Haut Atlas, réputée pour ses sentiers randonnés. Ils ont été transportés jeudi de la morgue de Marrakech vers l'aéroport de Casablanca, d'où ils doivent être rapatriés en Norvège et au Danemark, selon un journaliste de l'AFP. Première question, je la pose. Hein. On va discuter tous ensemble de tout ce qui s'est passé. Alors, est-ce que c'est nouveau, premièrement ? Non, vraiment, comme ça, y a une stupéfaction hein, médiatique, indubitable, qui peut se comprendre, hein, je veux dire, c'est pas la question, mais une espèce de, voilà, deux blanches ont été tuées par des Arabes au Maroc, mon Dieu, au secours. Et donc, je pose la question, est-ce que c'est nouveau ? Derek veut réagir. Alors, oui, la nouveauté avec les Arabes qui égorgent des Blancs, non, ça n'existe pas. Hein. Il suffit de se rappeler... Il y a une vingtaine d'années, après presque 30 ans maintenant, les moines de Tibérine hein, en Algérie qui ont été zigouillés, hein, qui ont été sectionnés aussi. On a déjà, d'ailleurs, je crois qu'on a toujours pas retrouvé les têtes. Hein. C'est, je sais pas où ils ont foutu ça, mais c'est ces fils de pute. Mais bon. Avant ça, la guerre d'Algérie. Hein, bon, chacun a dû connaître quelqu'un dans sa famille ou son entourage qui a raconté les joyeusetés que les félagas algériens hein, commettaient. Donc voilà, ouais, non, c'est pas nouveau. Et puis bon. Si on cherche un petit peu dans l'histoire encore plus ancienne, ça doit être du même acabit. Donc les Arabes coupent des têtes. Voilà. MacDav. Ouais, enfin j'ai beaucoup de choses à dire puisque effectivement. Non, bah, pas, juste sur ce thème-là. Hein, est-ce que ouais. C'est nouveau? Bah non, c'est pas nouveau. Et ça arrivait plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai vu une stat là qui tournait sur les réseaux sociaux qui montrait que le taux d'homicide sur les femmes était 4 fois moins élevé dans les pays blancs. Hein, 4 fois moins élevé. Et encore, sur le quart, enfin le quart, sur les homicides qui a lieu dans les pays occidentaux, c'est fait par des bougnoules. Enfin, c'est le cas en Suède. Enfin, quand je parle de la Suède, la Suède géographique. Donc non, il n'y a rien d'étonnant. Hein. C'est comme ça. Voilà. Oui, il y a une continuité. Alors, pourquoi je pose la question pourquoi c'est nouveau? Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est difficilement quantifiable, hein, mais j'ai vu un certain nombre de réactions sur les différents réseaux sociaux ou en commentaires d'articles de gens qui étaient, alors légitimement, bien évidemment, heurtés par le contenu graphique de ce qui était disponible, puisque en fait, dans 99% des cas, bien évidemment, il n'y a pas de documents vidéo. Évidemment, mais j'ai le cas là d'une blanche qui a été qui a subi ce cas-là. C'est une française, Eva. Je crois que c'est Eva Bourseau qu'elle s'appelle, mais je parle vraiment sous le contrôle de nos auditeurs. Elle s'appelle Eva en tout cas. C'était jugé cette semaine d'ailleurs. Elle a eu la tête éclatée au pied de biche, hein, par deux Arabes avec lesquels elle se camait. Alors bon, je vais pas trop déborder. Il y aura des choses à dire. Mais voilà, des cas de femmes blanches, de jeunes femmes blanches assassinées sauvagement par des nègres ou par des Arabes en France, ça arrive toutes les semaines. Mais il n'y a pas de vidéo. Donc en fait, qu'est-ce qui rend l'affaire particulièrement frappante? C'est qu'il y a une vidéo revendiquée, donc une espèce de revendication en fait de l'acte barbare, voilà. D'habitude en fait le criminel maghrébin ou noir essaye de maquiller, de cacher. Là il y a une revendication et comme évidemment le viol ou les sévices sont suivis d'une décapitation, ça ajoute encore dans le niveau d'horreur, disons. Mais en tant que tel, les faits en eux-mêmes n'ont rien de particulièrement nouveau en France, en Europe, les Arabes, les Noirs assassinent, torturent, exécutent dans des conditions particulièrement violentes et barbares des jeunes femmes blanches. Hein, très généralement d'ailleurs après leur avoir imposé des sévices sexuels. Donc je veux dire, l'émotion en fait, je crois, n'est pas motivée par les faits eux-mêmes, mais est motivée par le fait que pour une fois, un support existe. Et là, permettez-moi une petite bravade, je pense hein, que si toutes les semaines, un petit peu à la façon syrienne, quoi, hein, si toutes les semaines des vidéos de ce genre étaient disponibles en France ou enfin, pour l'Europe en entier, quoi, hein, où on voyait des jeunes blanches se faire exécuter dans les mêmes conditions, je crois qu'arrivé au bout de la cinquième ou la sixième, il y aurait une lassitude telle que les gens n'y porteraient pratiquement plus attention. Pratiquement plus attention. Ou en tout cas... ça ne susciterait certainement pas le même type de réaction, je pense. Donc voilà, donc je voulais le dire comme ça en introduction. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose de plus là-dessus? Derek, je crois. Ouais, je voulais quand même mettre le point sur la décapitation. Parce que bon, t'as parlé de la nana qui s'est fait éclater la tête au pied de biche. Bon, c'est une chose. Mais si tu veux, quand même, en islam, la décapitation, tu vois, alors est-ce que c'est le fait que ce soit des Arabes ou est-ce que c'est proprement islamique? Mais dans leur histoire, il y a pas mal de trucs comme ça, de typiques qui se font couper la tête, parce que pour telle ou telle raison, hein, la dispute notamment entre les chiites et les sunnites, si tu veux, c'est un type de la famille de Mahomet, quoi, l'imam Hussein, je crois, qui se fait couper la tête par Oui, c'est récurrent, quoi. Par le type qui s'était fait chasser de la Mecque par Mahomet, mais qui est devenu calife, tu vois, bon, un truc de l'histoire de famille. Donc en gros, l'autre il lui fait couper la tête et puis après il fout ça bon, dans un coin, quoi. Enfin, voilà, c'est le coupage de tête. Bon, c'est quelque chose qu'on apprend ça des petits, puisque c'est dans le Coran, hein. Voilà, ça se Oui, passe, c'est normal, donc c'est culturel, quoi. ce que tu veux dire, c'est que la pratique de la décapitation, pour ce qui concerne le monde musulman, n'a rien de particulièrement nouveau, c'est quelque chose qui est assez récurrent, quoi. Oui, Même oui. Bon, entre arabes, c'est ce que tu veux dire, quoi. même entre Ouais, arabes, mais. les petits s'entraînent d'ailleurs pour l'Aïd, hein, ils égorgent le mouton, hein, des tout petits. Donc c'est une forme même d'initiation là-dedans, quoi. C'est un marqueur culturel, hein, comme diraient des scientifiques. MacDav. Ouais, pour en revenir à ce que disait Derrick, les Arabes chiites, ceux d'Irak hein, notamment, ils célèbrent la mort de l'imam Ali, Hussein, pardon. La mécène. Ouais, ils célèbrent ça en se fouettant un coup de sabre. Et c'est ça, c'est super sanguinolent. Ils se baladent dans les rues, ils se fouettent et enfin c'est ultra gore, hein. Faut voir ce que c'est quoi. Ils Oui. se fouettent avec des enfin c'est pas vraiment des sabres, hein. C'est un peu des sabres de démonstration. Mais ils ont ça, ils ont la culture Du sang. du souhait, du couteau et du sang, quoi. C'est vraiment dans leur culture. Ouais. Alors, autre point peut-être qu'on peut poser, là je m'adresserai peut-être plus à Frédéric dans l'évier. En premier lieu, pourquoi des femmes occidentales peuvent se rendre dans des pays étrangers comme ça, très librement, je veux dire. C'est un peu la question qu'on se pose, quoi. Je veux dire, là, c'était un petit peu. Enfin, c'est le point de départ, en fait. On les retrouve au Maroc découpées, violées, etc. Mais en premier lieu, que foutent-elles au Maroc et comment se fait-elle qu'elles peuvent aller au Maroc comme ça sans... Voilà, c'est un peu la question que je pose. Frédéric, qu'est-ce que t'en penses? C'est-à-dire qu'on a quand même en Occident comment dire, une innovation je veux dire, qui est très récente hein, d'ailleurs, hein, ça date des années 70 à peu près, qui est la liberté sexuelle, voilà, comment dire, l'indépendance des femmes, hein, qui nous permet d'envoyer comme ça enfin, des femmes qui s'envoient elles-mêmes, hein, n'est-ce pas, de leur propre chef, dans des pays avec des populations tout à fait, comment dire, équilibrées, pacifiques et stables. Comme la plupart des pays du Maghreb et du Moyen-Orient en général, qui sont d'ailleurs très bienveillants à l'égard des femmes blanches, hein, je tiens à le préciser, il y a quand même une sympathie, enfin, voilà. Et donc, grâce, si vous voulez, à l'indépendance des femmes occidentales, ça permet de faire des trucs comme ça, ce qui est quand même un grand, grand progrès, quoi. Voilà, je tiens à le dire. Surtout que ces deux femmes en question avaient, je crois, hein, il me semble, 24 et pour la plus âgée, 28 ans. Donc, bon, c'est vrai qu'elles sont un peu naïves. À presque 30 ans, comment penser qu'on puisse avoir entendu parler d'Arabes violents, excités? Non, voilà, hein, on est à peine sorti du berceau. Je veux dire, elles n'ont pas eu le temps de comprendre. Voilà, les femmes sont naïves, il faut les protéger, il faut. Voilà, hein. Alors, oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que derrière les musulmans, il y a un principe intéressant. Permettez-moi de le souligner. C'est-à-dire que en islam, dans le monde musulman, il y a le principe du tuteur. Alors donc la femme est sous l'autorité de son mari, bien évidemment, au plan légal, mais c'est d'abord et avant tout une obligation pour le mari. C'est une obligation pour le mari, c'est-à-dire que le mari a comme obligation de protéger sa femme physiquement. Hein. Et quand une femme musulmane doit voyager, et c'est notamment le cas lorsqu'elles vont en pèlerinage à la Mecque, entre groupes de femmes, puisque souvent ce sont des pèlerinages de groupes de femmes, il y a un tuteur, qui est généralement en fait l'imam, et comment dirais-je, la responsabilité est prise par l'imam après avoir signé un papier en accord avec le mari. Donc il y a vraiment la responsabilité, enfin la notion de responsabilité vis-à-vis des femmes est extrêmement forte en islam. Elle l'était aussi dans le monde occidental. on va avoir l'occasion d'y revenir. Mais comment dirais-je, pour le monde musulman, pour le monde musulman et pour les hommes musulmans, il est impensable, impensable de laisser une femme musulmane. Alors ça arrive, je dis pas que ça arrive jamais, hein, mais il est impensable culturellement, normalement, de laisser une femme voyager seule. Et puis d'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant à souligner pour la simple raison que tu as donc des touristes femmes qui vont se balader dans des pays comme ça. Et qui s'habillent d'une façon particulière, ou qui vont se balader juste entre femmes, comme ça, dans la campagne, à Cambrousse marocaine, en ignorant ou en faisant comme si les coutumes locales, la façon de gérer le rapport homme-femme local, n'existait pas du tout. C'est-à-dire, tu débarques, je suis suédoise, française, je sais pas quoi. Les Arabes se débrouillent comme ci, comme ça, je m'en fous, je fais ce que je veux, je vous emmerde. Tu vois. Et après, évidemment, tout doit bien se passer, il ne va rien m'arriver, je suis Superman, Musclor, j'en sais rien. C'est quand même bizarre, c'est-à-dire que c'est souvent arrivé des histoires comme ça, c'est-à-dire des touristes occidentaux qui arrivent dans des pays comme ça, et il leur arrive des crasses, des sales histoires. Et on remarque, on lit les histoires, et c'est comme si, oui, ils arrivaient dans le village d'à côté, ils débarquent comme ça, avec leur tente, leur machin. Le fait que là-bas, les femmes soient voilées, le fait qu'il y ait une tension claire dans le rapport homme-femme, etc., ça n'a pas l'air de les concerner. C'est-à-dire, on va faire du tourisme dans des pays comme ça, comme si de rien n'était. Apparemment, c'est une nouvelle spécialité occidentale, je ne sais pas pourquoi. Ce que je veux dire, et c'est un petit peu la question que je posais au départ, hein. C'est déjà l'Occident, et en fait les mâles occidentaux, donc les blancs, ont l'air de s'enorgueillir de laisser leurs femmes foutre le camp dans des bleds à risque comme pas permis, et que ça serait une avancée sociale et culturelle. D'accord ? Ce qui est un des arguments d'ailleurs des pétasses féministes. Sauf qu'en fait, C'est comme laisser sa gonzesse nager dans un marais rempli d'alligators et d'être surpris qu'elle se fasse bouffer, en fait. Ouais. Moi, ça me dépasse un petit peu. Et au moins, les musulmans, je veux dire, je dis pas souvent du bien des musulmans, j'en dis en fait essentiellement du mal, mais au moins, et là, en fait, sur une base essentiellement pratique, ils ont compris un truc. Enfin, je veux dire, franchement, hein, si des musulmans arrivent à piger, alors qu'ils sont quand même cons comme des valises, hein, qu'ils arrivent à piger un truc aussi simple que ne laisse pas ta femme partir à l'autre bout du monde seule sans avoir un mec de confiance pour la surveiller, que eux le pigent et que les occidentaux ne le pigent plus, ça appelle quand même un gros boulot d'introspection. Et donc, quand il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire, elle n'est pas partie en Grèce, enfin, les deux gonzesses ne sont pas parties en Grèce, elles ne sont pas parties, je veux dire, visiter... je sais pas quoi, le Canada, hein, elles sont quand même parties dans un bled musulman en 2018. Tomber de sa chaise parce qu'en fait, des bougnoules ont fait les bougnoules avec des blanches. Moi, ce qui m'interpelle, c'est pas tellement que les bougnoules aient fait des bougnoules, c'est que les blancs soient surpris que les bougnoules fassent les bougnoules. C'est ça qui m'interpelle en fait. Bon, je sais pas vous, hein, mais voilà. Et surtout qu'on le laisse pas et qu'on l'accepte. Qu'on accepte que nos filles, nos femmes, nos sœurs se mettent en danger. Non mais je veux dire, c'est quand même la faute des bougnoules. Je veux dire, c'est quand même la faute de l'alligator, si tu veux, si tu laisses ta gonzesse aller nager dans un marécage plein d'alligators. Je veux dire, c'est voilà, hein. Ah méchant alligator, enculé. Alors Popovic, je veux prendre la parole. Je lui donne la parole. Il la veut, il l'a. Je sais même pas pourquoi on parle d'islam. Mais non, parce que, simplement parce que c'est dans un pays musulman, c'est pour ça. Oui, mais vous croyez que ça se passe comment, je sais pas, en Inde, où ils sont pas tous musulmans, loin de là. Je sais pas, en Amérique du Sud, dans des pays animistes et catholiques, comme, je sais pas, la Bolivie. Vous croyez que les femmes se baladent comme ça, toutes seules, personne ne les connaît, elles se baladent comme ça dans la pampa, et vont faire du camping où elles veulent. Ça n'existe nulle part, ce truc. Certaines surtout, disent que nous nous réjouirons de... Enfin, nous sommes réjouis de ces morts, mais pas du tout. Je sais pas où ces gens ont vu ça. Vraiment, hein. Soit ces gens ne savent pas lire, soit ces gens sont malhonnêtes, mais en aucun cas, on ne s'est réjoui de la mort de deux blanches. qui auraient pu faire d'excellentes mères de famille si la Sainte Providence leur avait mis un petit peu de plomb dans la tête au moment où elles allaient faire des enfants. Moi, je me réjouis absolument pas de la mort de ces femmes. Mais simplement, bah, les choses sont les choses. La réalité, elle te frappe. Et c'est la loi de Murphy, quelque chose qui peut arriver, tôt ou tard arrivera. Et à un moment donné, alors t'appelles ça comme tu veux, t'appelles ça la physique, t'appelles ça la providence, t'appelles ça la fortune, t'appelles ça la justice divine immanente. Mais moi, et ici à Démocratie Participative, personne ne s'est réjoui de la mort de ces deux greluches. Hopman. Ouais. Alors, juste pour abonder dans ce que tu disais tout à l'heure, je me rappelle d'un documentaire une fois sur une scientifique égyptienne qui voulait faire un travail auprès des populations de Touareg, donc les nomades dans les provinces désertiques. Et en fait, elle avait été obligée de demander un papier à son père, en fait, pour prouver, une fois qu'elle était dans les territoires de ces populations-là, que c'était pas une femme sans autorité masculine. Auquel cas, si ça avait été le cas, elle aurait pu être violée, capturée, vendue, tuée, ou n'importe quoi, en fait. C'est pour vous dire à quel point, là-bas, les femmes ne font pas vraiment ce qu'elles veulent, et donc, du coup, ne font pas n'importe quoi. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que si tous les peuples de la Terre, quasi tous les peuples de la Terre, ont eu à peu près le même système, on va dire, avec les hommes qui mettent en place des codes bien spécifiques de comportement et qui restreignent des fois le comportement des femmes, c'est pas pour rien, en fait. C'est-à-dire, ça s'appelle l'expérience, hein, l'empirisme, quoi. Et c'est quand même hallucinant de voir que dans nos milieux, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que tout ça, ça a une... Bon, le féminisme, ça, c'est marxiste, c'est bolchevique, c'est juif, c'est tout ce que vous voulez. Mais quand on est quelqu'un qui se dit d'extrême droite, quand on comprend en fait que les races existent, que la biologie est importante, et qu'on refuse de mener le même raisonnement vis-à-vis des femmes, c'est-à-dire des différences sociales et comportementales qui s'expriment à cause d'une différence génétique, bah, c'est qu'on est un demeuré total. Et quand on impute aux participants de DP d'être des apprentis djihadistes blancs, bah, c'est qu'on est vraiment des raclures de bidets, quoi. Frédéric. Oui, alors, par rapport à ça... Il y a un truc que le psychologue américain Kevin MacDonald, qui parle beaucoup de questions raciales, a appelé dans les sociétés blanches, il dit que les sociétés blanches sont des sociétés à haut niveau de confiance. Il appelle ça high trust en anglais. Alors ça peut être vu comme quelque chose de positif, c'est-à-dire que dans des scénarios de stabilité politique, c'est-à-dire dans des pays blancs, où on est entre blancs, où les choses se passent entre guillemets relativement bien, effectivement, le côté high trust des populations blanches, c'est-à-dire la capacité à faire confiance facilement, c'est plutôt un avantage. Ça permet de mettre sur pied des grands projets, de faire bouger des populations dans le même sens. Enfin, bref, ça permet des choses qui peuvent être impressionnantes. Il se trouve que le reste du monde, et là on est en période évidemment d'instabilité croissante, et le reste du monde n'est pas un paradis blanc. Hein, et il l'est de moins en moins. Le problème, c'est que cette tendance, qui est quelque chose qui est maintenant inscrit au niveau racial chez les Blancs, devient un véritable désavantage dans des situations d'instabilité, de conflits plus ou moins prononcés, etc. Et tout l'Occident est en train de devenir, à cause du multiculturalisme, de l'immigration et des saloperies de Juifs, une zone de conflits généralisés, hein, avec des sourasses un petit peu dans tous les sens. Et puis évidemment, là, dans le cas dont on parle, la libération de la femme, hein, qui va se balader un petit peu n'importe où, sans avoir à l'esprit que le reste du monde n'est pas un paradis blanc. Donc on ne peut pas, aller n'importe où sans conséquences, les gens ne voient pas les choses de la même façon. Donc pour moi, si vous voulez, des femmes qui, à peu près 30 ans, hein, pour la plus vieille, avaient quand même 28 ans. J'ai l'impression, moi, quand on parle de cette affaire, que les gamines avaient 8 ans ou 10 ans, qu'elles se sont perdues dans la forêt, et que voilà, par rapport à l'émotion qui se dégage. Bon, donc il y en a une qui a presque 30 ans, et elle va faire de la randonnée seule ou avec une autre amie, donc deux femmes, dans un pays où il y a des islamistes, et ça se passe mal. Bon, moi je pense, dans ce cas-là, qu'il y a un vrai déficit racial. Ces femmes ont un problème racial. C'est-à-dire que vous pouvez me sortir toutes les excuses que vous voulez sur le formatage de la société, machin, enfin bon, bref, on leur a raconté des histoires toute leur vie, etc. Il n'empêche que, à 30 ans, tu as quand même eu accès à un certain nombre de choses, tu as peut-être eu accès à Internet, à des informations internationales, etc., etc. Tu es censé quand même être un minimum confronté à l'extérieur, hein, être sorti un petit peu de ta bulle, un petit peu, hein, 30 ans quand même, presque, 28, bon. Et ces gonzesses-là sont tellement jamais sorties de leur bulle ou n'ont tellement pas la capacité génétique, raciale, à remettre en question ce qu'on leur dit et à réfléchir par elles-mêmes, ne serait-ce qu'à avoir un principe de précaution, à se dire, oula, peut-être que je devrais faire attention avant de partir en bougnouli. Parce que, encore une fois, il y a des femmes, il existe des femmes qui, mises dans la même situation, se seraient dit, oh, peut-être que c'est une mauvaise idée, oulala, peut-être pas le Maroc, peut-être qu'on va aller ailleurs, hein, on va peut-être faire attention, ou on va y aller avec un homme qu'on connaît, un mec un peu baraque, de confiance, etc. Bon, ces femmes ont un problème racial, donc... Moi, je veux bien qu'on s'exclame que voilà, hein, on dise c'est triste, tout ça, mais il faut regarder les choses en face. Quand des femmes de à peu près 30 ans sont capables de faire ça, pour moi, c'est la preuve qu'elles sont incapables de s'occuper d'elles-mêmes, en tout cas celles-là, et qu'elles devraient être placées sous la tutelle de quelqu'un qui est au contact de la réalité, ou qui a peut-être plus de rapport avec, comment dire, le monde du conflit, de la compétition. Peut-être un homme, par exemple. Parce que pour avoir des idées pareilles, pour ne pas se remettre en question et pour finir dans des situations comme ça, y a un vrai problème. Et moi, je personnellement, sur le plan de quand on est raciste, on est, comment dire, on se préoccupe d'eugénisme et d'hygiène raciale. On veut que son stock génétique soit solide. Et des femmes comme ça, il y a deux solutions. Soit elles sont sous tutelle, elles sont supervisées, elles sont tenues, soit elles sont un poids mort. Donc, vous voyez ça comme vous voulez. Moi, je ne pense pas. C'est un comportement. Ce qu'elles ont fait, c'est un comportement suicidaire. C'est-à-dire qu'elles sont allées n'importe où, faire n'importe quoi sans réfléchir, sans se remettre en question. Et les gens qui ont un comportement suicidaire, c'est pas compliqué, ils finissent par mourir. Et en général, plus rapidement que les autres. Donc, je n'ai pas... moi, ça ne m'intéresse pas, dans ma race, chez les Blancs, qu'on encourage, qu'on excuse, qu'on fasse la promotion de comportements suicidaires. Donc, ces gonzesses, soit elles doivent être mises sous tutelle, soit c'est un poids mort, c'est un boulet, et finalement, moi, je ne ressens pas particulièrement d'émotion. Derrick. Sur ce que dit Frédéric, je souscris totalement. On a un problème d'empathie, si tu veux, en Europe. Une empathie maladive qui nous fait accepter toutes les populations les plus dégueulasses, les plus pourries, les nègres, les... enfin bon, l'amour des juifs parce que Mushoa, hein, n'est-ce pas ? Se mettre à la place de l'autre... alors qu'il n'y a pas lieu. Ces nanas-là, empathie maladive envers les Arabes, envers les musulmans et compagnie. On a une des nanas qui postait des trucs sur Facebook, hein, on en a parlé, une vidéo qui montrait un islamiste qui marchait dans la rue, de cadre un peu bizarre, genre il a l'air suspect, des flics qui arrivent. Et en fait, les flics arrivent, ils viennent pas pour lui, ils viennent pour le blanc qui genre transportait de la cam. Bon, et le bon musulman barbu retrouve sa smala, hein, sa Fatma et les gosses, et l'Europe est sauvée avec cette famille. Oui, oui. Alors précise, hein, donc c'est sur le compte Facebook d'une des deux victimes, c'est la Norvégienne, qui le 10 janvier 2015 précisément, en fait deux trois jours après l'attentat de Charlie Hebdo. Donc quand les gens de Charlie Hebdo sont morts, alors en sachant qu'en Norvège, Charlie Hebdo, on ne sait pas ce que c'est, hein, ils ne connaissent pas l'humour Charlie Hebdo. On sait que des Arabes ont calibré du monde. Voilà, c'est ça, les Arabes ont tué des journalistes, réflexe en Norvège de cette nana-là, qui n'est pas du tout une gonzesse de 14-15 ans, hein. elle a déjà à l'époque 25 ans, hein. Elle a 25 ans quand même, hein, bien tapée. Voilà. Et elle partage une vidéo qui est celle que tu viens de décrire, donc. Hein. Qui est contre l'islamophobie, donc les gens marrons c'est bien, l'islam pourquoi pas, voilà, tout ça est très bon. Hein. Et que ces gens-là, si tu veux, aillent et décidé de sortir de l'histoire en allant au Maroc, dans les fins fonds du Maroc, chercher la mort. Bon, on n'a pas forcément besoin de s'en émouvoir outre mesure. Et alors des gens nous reprochent de ne pas nous émouvoir de ça, quoi. Ils veulent faire de ces nanas des martyrs. Des martyrs de quoi? Des martyrs de leur impuissance à laisser des nanas aller se faire tuer chez les bougnoules. Ah oui, nous, nos femmes, on est fiers qu'elles aillent toutes seules, hein. Pendant les fêtes de Noël, au lieu d'être en famille, on est fiers qu'elles aillent dans la montagne toutes seules, hein, chez les bougnoules. Ce sont les martyrs de notre cause. Hein, crions sur tous les toits que nous sommes des cocus et que nous en sommes fiers. Voilà. Et il y a un problème. Quoi, hein. Les gens, les droitards là, qui never forgive, never forgive. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ça me sort des yeux. C'est ça qui m'énerve le plus dans cette histoire-là, la bêtise des gens qui veulent pleurer. Les gens veulent pleurer. On n'est pas des sémites, on ne pleure pas comme des cons. Voilà. Je suis désolé. Oui, ça c'est bien observé ce que tu dis. Après, je vais donner la parole à Pierrot. Mais ça m'a dérangé aussi, le pathos. Et d'une manière générale, j'ai du mal avec le pathos, quoi. Le pathos, surtout en public. Je dois confesser, hein, surtout chez les Celtes, que je n'ai pas, et je crois ici c'est un peu la règle générale, je n'ai pas la culture de la pleureuse orientale. Oui. Donc me montrer la poitrine en hurlant, en criant, mon Dieu, c'est vrai que ce n'est pas notre culture, hein, nous en Europe du Nord, il faut quand même le dire. C'est vrai qu'on a tendance à plutôt cacher les larmes, on essaye autant que faire se peut, et même quand on est triste ou affecté, on met un point d'honneur à ne pas le montrer. Il y a des gens, et je crois que c'est peut-être une... Il y a la définition raciale, mais il y a aussi la culture, ça compte, hein, et les lignes sont parfois un peu troubles. Peut-être y a-t-il des gens... je ne sais pas, qui ne sont pas tout à fait de notre culture, qui ont du mal avec ce principe. Hein, où là, il faut exhiber, quoi, hein, il faut montrer. Et j'ai tendance à croire, pour ma part, que plus on exhibe, moins on est sincère. Je pense. Pierrot voulait parler. Je crois que Captain voulait parler avant, hein, si tu veux. Ah bon, bah alors autant pour moi. Captain. Ouais. Donc, t'as raison dans ce que tu viens de dire, Gandalf. En revanche, on pourrait quand même tempérer le fait que tu es un homme et que tu, en tant qu'homme, tu ne réagis pas comme une gonzesse. Parce que même les gonzesses qui sont, on va dire, les gonzesses qui sont nées après les années 50, hein, qu'elles soient d'Europe du Nord ou non, elles ont quand même un petit peu plus tendance que leurs aïeules à la démonstration. Donc ça c'est à tempérer. Et maintenant pour ce que je voulais dire par rapport aux femmes qui sont mortes là-bas au Maghreb, il y a deux soucis. C'est que premièrement, l'ethnocentrisme, Derek a parlé d'empathie, ok, mais là il y a aussi le souci de l'ethnocentrisme, en fait, c'est-à-dire que les Européens, surtout les gauchistes, ont tendance à projeter sur les peuples non européens les valeurs qu'eux-mêmes portent en eux. Ce qui fait qu'on tombe dans des situations complètement ubuesques où des féministes progressistes et compagnie vont dans des pays dans lesquels il y a des barbares et se trouvent confrontés aux dix barbares et ne comprennent pas, en fait. Et il y a un autre problème qui, lui, est très, très juif également, c'est toute cette culture du « you go girl », c'est « allez les filles, quoi ». Ah, tu peux le faire. Tu vois, par exemple, des comics ou des films comme Wonder Woman ou d'autres médias dans lesquels les gonzesses sont fortes, intrépides, indépendantes, savent se battre, peuvent mettre des raclées au bonhomme. Et bah, t'as des gonzesses qui y croient, ces conneries, quoi. Et même si elles se prennent pas forcément pour des Xena la guerrière, elles vont avoir des attitudes très aventureuses sur plein de plans différents, et là, c'est ce à quoi on est confronté. On a deux gonzesses qui pensent, enfin qui, notamment, font de l'éthocentrisme et pensent pouvoir aller dans n'importe quel coin du monde et être autant en tranquillité que chez elles en Scandinavie, sachant que les Scandinaves sont complètement émasculés de nos jours et que c'est en plus une société qui est très, très enfin, qui était très ethniquement homogène, très solidaire, très calme, très tranquillisée. Bon, ben. Voilà, faut pas s'étonner, quoi. Alors, avant de donner la parole à Pierrot, tu as dit un point intéressant, c'est que y a un phénomène de projection. Alors ça, c'est vrai que les Occidentaux et les Blancs, en fait, ont... Enfin, les Blancs, c'est trop général. On va dire les Européens de l'Ouest, disons, ont ce problème intellectuel, moral, éthique, à distinguer eux des autres. Et quand je dis les autres, c'est les non-blancs. Hein. Donc, tu dis, voilà, ils vont dans des pays... C'est ce que disait aussi, d'ailleurs, Frédéric Danlévier. Hein. Il disait, voilà, les blancs vont dans des pays invraisemblables. Ils allaient dans le village d'à côté. Mais c'est vrai aussi en Europe de l'Ouest elle-même, ce qui explique la diffusion de la vidéo sur son compte Facebook de cette gonzesse-là. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans le cerveau de cette gonzesse, n'a surgi l'idée que peut-être Mohamed, avec sa grosse barbe, ne réfléchissait pas du tout comme elle. C'est-à-dire que c'est une perspective qui n'a jamais effleuré son cerveau. Jamais. Et donc, elle prête à Mohamed les mêmes intentions que les siennes. Donc, c'est a priori quelqu'un de bien intentionné vis-à-vis de son groupe. Et donc, elle se dit, bah, s'il y a quelque chose qui se passe mal avec Mohamed, c'est forcément de ma faute. Donc là, on retombe sur la culture de la culpabilité. Donc c'est à la fois vrai quand ils vont à l'étranger, ou quand ils interagissent avec des étrangers à l'extérieur, mais aussi à domicile, quitte à nuire à leur propre groupe. Et c'est toute la question, évidemment, des ravages de l'immigration, mais ça c'est autre chose. Donc Pierrot, maintenant. Oui, alors je vais faire une analyse tout à fait personnelle, qui n'est pas forcément partagée par tous. Donc voilà, restez tranquille si vous écoutez ceci. Je pense sincèrement que les gens qui ne croient pas en Dieu... ils sont limités politiquement dans leur vision. Je vais expliquer pourquoi et vous allez voir le lien. Je veux dire, si jamais tu es athée ou tu es agnostique, je pense que la notion de sacrifice, eh ben, elle est différente de celle d'un croyant. C'est vrai que quand tu y penses, si jamais tu es persuadé, par exemple, que Dieu n'existe pas, tu n'irais pas te dire « mais à quoi ça sert que je donne ma vie pour une idée ?» Si tu as juste 80 ans ou 90 ans à vivre sur cette terre, à profiter au maximum. Donc voilà, je pense que les gens qui sont comme ça sont un peu limités dans leur vision. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens de notre milieu, et là vous allez voir le lien, qui ont un problème avec l'islam. Parce qu'ils se disent, bon bah moi les musulmans, si jamais ils prennent le pouvoir demain, je pourrais plus picoler, puis je pourrais plus aller en boîte, draguer, voilà, tous les genres de trucs. Le souci avec cette focalisation islam, c'est que déjà les nanas qui se sont fait gorger là, si jamais elles avaient été... je pense que Porovitch, je voulais en parler tout à l'heure, si jamais elles étaient allées en Inde ou en Amérique latine ou que sais-je, elles se seraient fait peut-être pas massacrer exactement de la même manière, mais en tout cas elles auraient eu des problèmes aussi. Le truc c'est que si on fait uniquement une fixette sur l'islam par rapport à ce truc, mais je vois bien les liens qu'on peut faire, c'est qu'on va passer aussi à côté d'éléments, parce que les musulmans ils peuvent pas avoir tout le temps tort sur tous les sujets, déjà ne serait-ce que par hasard. Et ils ont peut-être une sagesse naturelle qui est liée en fait à leur condition un peu primaire, c'est que du coup ils sont restés très terre à terre sur des choses élémentaires que nous avons perdues, à savoir la protection que nous devons apporter à nos femmes. Et au moins sur ça, ils ont raison. et les gens qui ont une vision en mode il faut juste lutter contre le conflit, la compétition, comme disait Fred Dansllévier, ces gens qui sont dans cette optique-là, ils se battent en fait contre la pluie. C'est-à-dire qu'on peut être contre le conflit et contre la compétition, mais ça arrivera tout le temps. Et donc, considérer que les nanas qui se baladent comme des putes à l'autre bout du monde, dans des quartiers ou dans des coins qui craignent, n'auront pas de soucis parce que finalement, c'est la faute, parce qu'il y a de la méchanceté. Oui, effectivement, il y a de la méchanceté, ça c'est un fait. On peut être contre, d'accord ? Effectivement, la méchanceté, c'est mal. Ouais, super, ça n'engage à rien. Mais le problème, c'est qu'elle existe. Et juste la sagesse, quelque part, qu'avaient les musulmans de vouloir offrir une protection à leurs femmes et de ne pas adopter ce genre de comportement, nous, on l'a perdu. Mais c'est la même sagesse qu'on avait auparavant, quand la Sainte Église catholique était au pouvoir. Elle apportait aussi elle-même une protection aux femmes en les mettant sous la tutelle de leur père ou de leur mari. Voilà. C'était un point un peu perso que je voulais aborder. Alors, avant de redonner la parole à d'autres, j'ai envie de dire une question, c'est quel est le type, pas nécessairement d'ailleurs de femmes, ça peut être d'hommes ou de femmes, mais occidentaux qui vont à l'étranger. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il est normal et compréhensible que quand on est n'importe qui, on veuille découvrir des pays qu'on ne connaisse pas, des cultures qu'on ne connaît pas. Bon. Mais, quand on est une femme ou deux femmes seules, hein, et qu'on veuille découvrir le monde, ce qui est, ma foi, découvrir de nouveaux horizons, etc., en soi, c'est profondément humain, c'est pas la question. Mais il y a des gens qui ont des tropismes, vous voyez. Et moi, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, et j'ai toujours réagi très négativement à ça, c'est qu'il y a des gens, visiblement, ils connaissent pas, sur les quatre points cardinaux, ils connaissent pas l'Est, ils connaissent pas l'Ouest, ils connaissent pas le Nord, ils ne connaissent qu'une direction cardinale, c'est le Sud. Et c'est surtout les pays à bougnoules, vous voyez ? Ça m'a toujours frappé. Il y a des gens, si vous voulez, pour lesquels vacances riment avec bougnoules. C'est très surprenant, mais ça ne peut pas être des vacances, je dis n'importe quoi, dans les Carpates. Ça ne peut pas être des vacances en Estonie. Ça peut pas être des vacances sur des grands lacs au Canada. Ça doit être nécessairement, obligatoirement, des vacances au milieu de gens qui sont marrons, si possible musulmans, et là où il fait 45 degrés à l'ombre. Voilà, là c'est des vacances. Voilà. Moi j'en ai croisé je sais pas combien comme ça des gens. Il ne voudrait voir la Grèce pour rien au monde, hein. La Croatie, vaguement de loin et encore de jour, hein. Non, eux ce qu'ils veulent c'est la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, voilà, ils veulent aller vers là, quoi. Bon, moi je vous pose la question, ces deux Scandinaves, hein, c'est une Danoise, une Norvégienne, c'est pas la première fois qu'elles étaient dans un pays musulman et encore moins dans un pays d'Afrique. C'est des gens qui étaient accoutumés aux pays musulmans en fait. J'ai presque envie de dire accro. Alors, je vous pose la question, et là, je sollicite votre réponse, et je vais donner la parole à Derek, puisqu'il me l'a demandé. Quel est le type de personne qui veut absolument passer des vacances dans des pays, d'abord, totalement mélanisés, mais je veux bien comprendre que si vous voulez sortir d'Europe, il y aura de la mélanine, mais a fortiori musulmans. Je veux dire, il y a peut-être quelque chose qui est là, non ? Il y a peut-être quelque chose sous-jacent, j'ai envie de dire. Derek. Oui, enfin, c'est pour le moins que ça pose des questions, hein, voilà. C'est un petit peu comme les nanas qui vont à Saint-Domingue faire des voyages entre copines. Là, on a deux nanas qui font des voyages entre copines dans des pays avec des gens marrons tout le temps. Y aurait-il une recherche de quelque chose, hein, d'un Graal, hein, inconnu, je sais pas. En tout cas, c'est. Moi, ça m'interroge parce que en 2018, c'est ce qu'avait dit Frédéric Dansllévier, en 2018, tu peux pas dire, j'ai pas compris qu'il y a un problème peut-être quelque part, même résiduel, avec le monde musulman. Je sais pas. Bon, il y a quand même l'État islamique, des attentats, les touristes se sont ciblés dans tous les pays, les touristes occidentaux, je précise. Turquie, Erdogan, machin, bon, c'est compliqué. Hein, je veux dire, oui. Même pour quelqu'un complètement abruti, il peut. c'est compliqué visiblement dans ces pays-là. Tiens. Non mais si tu veux, c'est comme les nanas qui envoient des lettres d'amour au serial killer quoi, en prison. Voilà. C'est le même principe. C'est-à-dire qu'il y a des types qui égorgent des gens et tout. Bon ben, il y a un feu. On va voir si le feu il brûle. Ben ouais, ben ça brûle. Peut-être quand même, moi ça m'intéresse aussi parce que le point de départ c'est le pathos qui s'est exprimé pour ces femmes-là. Alors évidemment, pris comme ça tout de suite, à brûle pour point. Ah, deux blanches se sont fait égorger au Maroc, machin. Bon, les gens évidemment ils sont là, oui, c'est scandaleux, etc. Mais quand on creuse, ce qui est intéressant, c'est ce que ça révèle. En fait, il faut gratter la couche. Si on s'arrête une. Elle cherchait peut-être le sixième pilier de l'islam. Non mais, écoutez, c'est ça le truc, c'est que en fait, il y a des femelles psychologiques qui nous proposent d'être totalement paralysées par le pathos. C'est-à-dire qu'on arrête de penser, on convulse et on dit l'islam, voilà. Et on s'arrête à ça, c'est bien, voilà, et on a tout compris, quoi. Bon, et puis il y a des gens qui, je pense ici, pensent qu'il faut quand même gratter un petit peu en dessous de tout ça parce que c'est quand même un petit peu superficiel. Et de pas tellement aller chercher chez les Arabes ce qu'on sait déjà qu'on va trouver, mais plutôt chez nous ce qui ne va pas, quoi. Et donc, chez des hommes, mais ici des femmes, qui vont dans ces pays-là. Moi, je vous pose la question. D'après vous, sur le cas d'espèce qui nous intéresse, hein, ces femmes qui sont des habituées des pays musulmans, où elles passent leurs vacances, donc réfléchissez-y, hein, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui, quand elles ont 2 semaines de libre, elles les réservent, elles prennent un billet, elles vont dans un pays où il y a beaucoup d'Arabes et beaucoup de musulmans. Vous voyez, c'est la focale, hein, on va vers là. Hein. Musulmans, arabes, qui sont connus pour être sexuellement très, très relax, très décontractés. Et elles vont vers là. Alors, moi, je vous pose la question en reverse. C'est-à-dire, d'après vous, quelle serait l'attitude de ces femmes-là, en sachant le type de vidéo diffusée sur Facebook par une d'entre elles, si des mâles musulmans arrivent dans les pays occidentaux et en Norvège ou au Danemark, quelle serait leur attitude? Est-ce que ça serait pas peut-être un petit peu motivé sexuellement quand même, même de manière inconsciente? Est-ce qu'il y aurait pas quand même des non-dits là-dessous? Je vous pose la question parce que on a quand même chez toutes les femelles qui nous déversent des seaux de merde à la gueule depuis des décennies, en Europe et en Amérique du Nord, chez tous ceux qui disent « Non, ici, c'est mon turf, tu dégages », on a quand même toutes ces femelles en chaleur qui veulent du mâle basané pour les bourriquer. On est quand même d'accord. Donc moi, je me pose la question, ces deux nénettes qui étaient toutes sauf des gamines de 17 ans, hein, c'est quand même là, on a quand même sur du 28 ans, hein, on arrive presque à du Solange te parle, là. Hein. Moi, je vous demande, je vous pose la question maintenant et je veux que vous me répondiez. Qu'est-ce que ces femmes, même si c'est un procès d'intention, quelles seraient les prédispositions intellectuelles de ces femmes vis-à-vis de gens marrons qui arrivent en Europe? Eh bien, il y a de fortes possibilités qu'elles aillent s'asseoir dessus. Ah, c'est imagé. C'est mobilier, quoi. Non, mais vous n'avez pas un peu... En fait, il y a beaucoup d'hypocrites là-dessus. Parce que Est-ce que ce traitement... Parce que là, c'est une histoire de femme, mais ça aurait été un gauchiste qui aurait été en camping au Maroc, ça serait passé comment? J'avais envie de répondre là-dessus. Vas-y. Bah oui, j'avais envie de dire, mais si, imaginons, ça avait été des hommes, parce que c'est arrivé, je veux dire, il y a déjà eu des cas où un gauchiste, ou juste quelqu'un de naïf, hein, je veux dire, même sans tomber dans la critique politique, quelqu'un juste d'un peu con... Un homme va se balader dans je ne sais quel pays, il se fait défoncer, en général, j'ai pas l'impression qu'on ait ce genre de réaction complètement « Oh mon Dieu !» En général, j'ai plutôt l'impression qu'on se fout de leur gueule, hein. C'est-à-dire qu'on dit « Oh mais qu'est-ce qu'ils pensaient trouver ?» Alors, je me demande si par hasard, les réactions qu'on observe par rapport à ces deux gonzesses ne sont pas elles aussi motivées plus par frustration sexuelle que par Développe les analyses politiques. Frustration sexuelle, qu'est-ce que tu veux dire par frustration sexuelle? Bah, j'ai l'impression que ces gens qui se vexent qu'on n'ait pas toute la révérence qu'on devrait avoir pour ces deux jeunes femmes, qu'on ne soit pas assez remonté contre les méchants bougnoules, hein, comme si on ne l'était pas d'ailleurs, enfin, c'est rigolo, quoi. J'ai l'impression que ces gens, en fait, sont en crise parce qu'ils auraient bien aimé se les taper, les deux gonzesses. J'ai plutôt cette impression-là, moi. Tu veux dire que tu as l'impression que ces gens s'indignent entre deux recherches de porno lesbienne sur YouPorn. C'est ça. Écoute, je n'ai pas dit ça, mais... Ah, moi, je l'ai entendu. Piste, c'est une piste. D'accord. Oui. Bah, non, mais je voulais juste te faire remarquer que si ça avait été des hommes, je crois qu'il y aurait eu beaucoup moins de monde qui se serait indigné, certainement pas avec la même intensité. Tout simplement parce que, et c'est la preuve, écoutez, c'est la preuve que la charia blanche est nécessaire, que le retour de la puissance paternelle est nécessaire. C'est la preuve, juste là, ici, maintenant, c'est que quand un homme prend une décision débile, va se balader au fin fond du Venezuela tout seul, avec des billets qui dépassent de ses poches, etc., et qui se fait découper la gorge, qui se fait voler, etc., tout le monde se dit, mais quel imbécile, hein, y a pas de problème, qui va se balader au Maghreb, et que pour faire je ne sais quoi, pour se taper des petits garçons, d'ailleurs, il y en a pas mal qui sont dans ces... voilà, qui aiment bien le Maghreb pour cette raison-là. Mais quand des gens qui sont des mâles se font attraper par le destin dans des situations pareilles, il n'y a pas ce déchaînement émotionnel, il n'y a pas tout ce pathos, il n'y a pas... Non. C'est seulement quand c'est des femmes. Pourquoi ? Parce que, pour mille raisons, alors moi je pense qu'une des raisons est la frustration sexuelle, tout simplement, mais aussi parce qu'on estime que les femmes doivent être protégées. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui vont nous expliquer que les femmes doivent être libres et que charia blanche, etc., méchant, islam, tout le bordel, les mêmes personnes qui disent ça trahissent par leur réaction le fait que ces femmes devraient, et de toute évidence, puisqu'elles sont trop connes pour voir ce qu'il y a en face d'elle, devrait être protégée, devrait être sous tutelle, et qu'elle devrait avoir l'autorisation ou devrait aller dans ces pays-là avec l'accompagnement de leur mari, d'un homme de la famille, mais quelqu'un. C'est-à-dire, on ne va pas se balader au fin fond de la cambrousse de la Bougnoulie, entre gonzesses. C'est très rigolo, hein, parce que ça finit mal. Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, les réactions hystériques et exclusivement émotionnelles des gens, hommes ou femmes, par rapport à ce qu'on a dit notamment, sur la question, trahit en fait qu'ils sont pour la charia blanche, puisqu'ils ne croient pas du tout à l'idée d'une responsabilité féminine. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est ça, ils pensent que les femmes sont des irresponsables en puissance, qu'elles ont besoin d'être protégées, donc en gros, white charia, charia blanche, et que, c'est très drôle d'ailleurs, parce que dans le même temps, ils disent, non, les femmes blanches sont libres, donc elles doivent pouvoir réserver le premier billet d'avion pour Air Maroc, direction la Bougnoulie, et quand elles se font égorger, non, c'est pas de leur faute. Ah bah, il faut savoir, soit les femmes sont libres, elles font ce qu'elles veulent, y compris d'aller montrer leur cul devant des Arabes complètement tarés, soit non, elles sont incapables de se prendre en charge, auquel cas vous nous donnez raison, et on met en place la charia blanche. Mais faut être clair, je veux dire, ça peut pas être les deux en même temps. Ça peut pas être les deux en même temps. On est bien d'accord, quoi. Enfin, ou alors. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre, si je peux me permettre le jeu de mots. et le cul de la suédoise. Non mais c'est vrai quoi, c'est fascinant, c'est des gens qui vous disent oui il faut que les femmes soient libres. Oh merde, putain, elle va à l'aéroport, elle prend pas la bonne destination cette conne. Tu vois, ouais, non, c'est ridicule. Vous ne pouvez pas nous dire qu'on est des enculés parce qu'on parle de charia blanche et qu'on est des enculés parce qu'on s'en fout que cette nana se fasse tuer parce qu'elle est irresponsable. Voilà, Alors moi je veux dire une chose, hein, si on applique la charia blanche stricte, il n'y aura plus jamais aucune femme qui se fera assassiner dans les montagnes de l'Atlas. Hein. Ça n'arrivera plus jamais, je vous assure. Donc en fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est drôle quand même. Il y a ceux qui nous reprochent ce qu'on a dit, ou qui pourraient nous reprocher ce qu'on dit, mais dont le modèle de société, dont t'as esquissé un petit peu le périmètre, si je puis m'exprimer ainsi, Pierrot, permet aux femmes de faire ça. ou en tout cas à certaines femmes de faire ce genre de truc, c'est-à-dire de partir comme ça au petit bonheur la chance dans des pays complètement invraisemblables, avec les conséquences que ça implique. Donc en fait, ces gens-là veulent que ça se produise, et quand ça se produit, ils maudissent ceux qui disent « Ah, ben on vous l'avait bien dit ». C'est quand même extraordinaire, un truc comme ça. C'est quand même extraordinaire. Bon. Je sais pas. Et si au lieu de guérir par la charia blanche, on prévenait, c'est-à-dire on passait par l'éducation des femmes qui sont insuffisamment éduquées, qui sont des connasses intégrales, qui vivent et sont éduqués devant la télévision, par les médias, par des parents dégénérés. Et si on pratiquait comme ça? Parce que les deux là qui se sont fait descendre, elles ont, qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent d'échapper à leur destin, à leur humanité de femme. À 24 et 28 ans, elles n'ont pas encore à crever gosse. Ça c'est un. Elles fouillent leur destin, disais-je, tout ça pour faire du tourisme au Bougnoulistan. Mais à côté de ça, j'ai regardé le compte Facebook de Maren Ulland, avant que celui-ci ne soit nettoyé. C'est-à-dire dès qu'on a reçu dès que j'ai vu l'article paraître sur DP, en fait. Et j'ai vu que elle, et probablement sa copine, son amie, avait déjà fait quelques voyages sérieux loin à l'étranger, qu'elle comptait se rendre, je ne sais plus si c'est en Arctique ou en Antarctique, bon, mais elles ne sont pas éduquées, elles sont totalement dégénérées, et c'est, je dirais, presque un réflexe, pas humain, mais elles se sont confrontées, elles se sont trouvées confrontées à la réalité. Ces femmes n'avaient jamais eu conscience de la moindre réalité. Quelque part, leur disparition, c'est normal. C'est la nature qui a joué, c'est la nature qui a réagi. Alors moi, je suis d'accord avec cette idée-là. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est la mentalité païenne, hein, c'est le destin. C'est le destin, c'est-à-dire que on ne peut pas. Là, c'est peut-être un peu plus profond, un peu plus spirituel, mais on ne peut pas ne pas être frappé par une femme, hein, de 25 ans qui, le 10 janvier 2015, alors que les gens de Charlie Hebdo qu'elle ne connaît pas, dont elle ne connaît pas la publication, elle sait juste que des journalistes ont été exécutés à Paris, baignent dans leur sang, assassinés par des Arabes. Son réflexe, c'est pas de dire « Mais mon Dieu, mais c'est quoi l'islam? C'est quoi les Arabes? C'est quoi ce truc ?» Hein ? Peut-être même en s'interrogeant, quoi. Hein, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est... Non. Ah, les mâles bronzés, je les aime. Ne les diabolisez pas. Hein. Donc, c'est... Et 3 ans plus tard, c'est elle qui baigne dans son sang, exécutée par des mâles arabes. Moi, je suis désolé, qu'on soit croyant ou pas, je ne vois pas comment on ne pourrait pas remarquer l'ironie, en tout cas. C'est simple, c'est une femme avec son cerveau primitif qui, de toute évidence, admirait le mal de type seigneur de guerre, encore sanguinolent, etc., etc. C'est pour ça que le premier réflexe a été de défendre les pauvres Arabes stigmatisés, hein, juste après qu'ils aient flingué les journalistes. Et tout simplement, à mon avis, c'est le genre de gonzesse qui cherche ce type d'homme. Et elles ont cru trouver ça chez les Arabes. Et je pense qu'elles ont eu, en définitive, ce qu'elles ne savaient pas qu'elles cherchaient, mais c'était ça qu'elles cherchaient. Voilà. Donc, bon. MacDav. Ouais, la vidéo que l'une d'entre elles a partagée, elle m'a vraiment interpellé parce que, en fait, il faut que nos auditeurs la voient. On voit une femme blanche qui a un regard pour un homme musulman d'un certain âge, qui visiblement est un type, qui est montré un peu comme un homme traditionnel d'un certain âge, très certainement adepte de valeurs patriarcales. Et on sent que dans cette pub, que non, évidemment, elle méprise les Blancs, hein, qui dans la pub passent pour des bougnoules, enfin pour des voyous, quoi, ce qui évidemment n'est pas le cas dans la réalité. Et on sent vraiment la forte tension sexuelle. Donc, en fait, la charia, inconsciemment, elle la recherche. Moi, j'en suis intimement convaincu. Je suis persuadé que toutes ces nanas qui sont très très libérales, à un moment donné, elles vont en avoir ras-le-bol. Elles vont se rendre compte que finalement, c'est pas forcément leur intérêt de vivre dans un monde où les hommes se comportent comme des flaques et où elles ne sont pas entre guillemets protégées, et elles vont elles-mêmes revenir à des formes un peu plus autoritaires, pas forcément la charia intégrale, mais peut-être une forme de charia blanche. Enfin, moi, c'est le pari que je fais. Moi, je veux souligner un truc aussi, c'est ça, c'est sur quelque chose assez élémentaire. C'est que tout le monde sait que les femmes sont plus prudentes que les hommes. D'accord ? Pourquoi ? Les hommes sont physiquement mieux constitués. Les hommes sont, de ce fait, ils ont plus de testostérone, sont plus agressifs, sont plus bagarreurs, ils osent plus faire des trucs que les femmes ne font pas. Donc, c'est quand même une qualité qu'on prête aux femmes d'être prudentes. Hein ? Elles sont prudentes, elles réfléchissent, elles font attention, elles vont pas comme ça se lancer dans un truc qui les expose physiquement. On est bien d'accord, c'est quand même une qualité qu'on prête aux femmes en général. Oui, c'est-à-dire, en général, c'est l'homme qui va faire le con sur la route, tu vois, planter, ou alors aller faire faire des trips en Afrique, dans le fin fond de la jungle, quoi. Tu vois, c'est plutôt, voilà, en général des hommes, des aventuriers. Et là, c'est l'inverse qu'on voit. C'est-à-dire que déjà, en soi, on voit que c'est complètement, que l'ordre naturel est inversé, quoi. C'est des femmes qui jouent les globetrotteuses, un phénomène totalement nouveau, hein, qui date, même si on a des exemples beaucoup plus, qui remontent à quelques siècles. En gros, les globetrotteuses, c'est des bourgeoises du 19e siècle. Hein. C'est là que ça commence. Hein. C'est des femmes de la grande bourgeoisie qui ont plein de blé, qui savent pas quoi faire de leur journée, qui partent en Afrique, partent en Inde, visiter, etc., écrire des romans, des comptes rendus, des trucs qui servent pas vraiment à grand chose. Mais c'est ça quand même au point de départ. Et en fait, vous avez un phénomène, de démocratisation de ce phénomène d'embourgeoisement et de masculinisation des femmes. Ça, je voulais le souligner, mais ça traduit quelque chose d'autre, qui est paradoxalement très présent chez les femmes aussi. C'est le masochisme. Ça, on le souligne pas assez, à quel point les femmes ont une tendance, c'est présent chez toutes les femmes, mais c'est plus ou moins marqué, bien sûr. Hein, toutes les femmes ne sont pas excessivement masochistes. Mais il y a des femmes qui sont masochistes et qui prennent plaisir à se mettre en danger. Et surtout à se mettre en danger avec des mâles agressifs. Ça les excite sexuellement. D'avoir des mâles agressifs, dangereux, ça peut être plus près de chez nous, des mâles qui sont dans l'économie du crime. Ce qu'on appelle des mauvais garçons, des choses comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui sont excitées par les mauvais garçons parce qu'ils sont sexuellement dominants, d'accord. Et il y a des femmes, en fait, et c'est pas un hasard si ça vient de ce pays, Scandinavie, Norvège. Ça, c'est quoi la Norvège? C'est le pays d'Eva Joly. C'est Eva Joly qui voulait supprimer le 14 juillet parce que c'était trop viril, d'accord. Ça vous fait pas cogiter ça, qu'un pays comme ça qui vous pond une Eva Joly qui veut supprimer le 14 juillet en France, un pays comme ça, il vous produit des gonzesses qui vont se précipiter ensuite au Maroc pour aller faire de la randonnée au milieu des mâles hirsutes de l'Atlas. Ça vous donne pas à réfléchir, un truc comme ça? Moi, je crois que c'est des femmes qui ont identifié une déficience chez leurs propres hommes, qui cherchent à les castrer et à inviter les mâles étrangers pour leur faire compétition, tout simplement. Quelqu'un d'autre là-dessus? Ouais, pour reprendre une formule, je sais plus où j'ai entendu ça, mais là, c'est pas de moi. Les femmes blanches se sont vues, offrir une liberté, et de cette liberté, en fait, elles vont choisir les hommes à qui elles vont donner en fait les clés de leur nouvel asservissement. Non mais c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'on leur a offert une liberté, elles ont identifié le fait qu'on les laisse en liberté comme de la faiblesse, ce qui est instinctivement juste, c'est-à-dire que les mâles occidentaux qui ont laissé faire la libération de la femme ont été labellisés pédales, voilà, dans leur tête, instinctivement. Bêta. Voilà, exactement. Et donc, bah, qu'est-ce qu'elles font ? Elles invitent la compétition. Elles disent « Refugees, welcome ». Et elles se disent que peut-être, certainement, elles vont retrouver la virilité, un mâle pour les tenir ailleurs. Parce que ici, c'est fini. Donc ici, en fait, elles ont, c'est acté, c'est-à-dire que elles ne cherchent, enfin, sauf pour certaines exceptions, évidemment, il y a des exceptions partout. Toutes les femmes ne tombent pas dans le panneau, mais une grande partie des femmes blanches, avec les hommes blancs, ne cherchent qu'à castrer systématiquement, à les réduire, à les diminuer, à échapper à leur pouvoir le plus possible, tout en invitant systématiquement des étrangers de l'extérieur qui ont une culture beaucoup plus patriarcale, beaucoup plus virile par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en Occident. Tout simplement, elles invitent les compétiteurs pour remplacer. Et je veux dire, c'est fondamental de comprendre ça. Hein. Donc quand vous voyez des femmes qui en même temps sont en train d'essayer de mener à la baguette les mâles blancs et qui sont d'une tolérance plus ou moins infinie pour l'étranger, vous avez affaire à ça, un phénomène de elles sont là pour faire marcher le remplacement, pour installer la compétition et à terme pour vous remplacer. Hein. C'est ça le projet. Hein. Bah, et ouais. Ça fait écho, et Fulbert, je donne la parole, et ça fait écho avec les gilets jaunes. C'est-à-dire quand on a bien dit, vous avez vu à quel point, même ça en dit long sur les flics français. C'est-à-dire que le flic français, pourquoi il tape comme un buffle sur le mâle français, c'est-à-dire les prolétaires blancs? C'est parce qu'il se dit, dans sa tête, hein, il a acquis l'idée que le prolétaire blanc, en fait, c'est un mâle bêta. Donc quand il cogne dessus, il va pas taper trop fort en réponse. Donc c'est safe. Mais il a acquis aussi l'idée que le mâle bronzé, c'est-à-dire que le nègre ou l'arabe de banlieue, si on tape trop fort dessus, il va répondre tellement fort qu'il y aura des morts dans la police. Et ça va tellement loin que c'est même, en fait, la doctrine non assumée de l'État français et du ministère de l'Intérieur français soumis aux Juifs. C'est-à-dire que les Juifs, très cyniquement, encouragent ce type d'appréciation de la réalité. Mais chez les flics, c'est acquis. C'est-à-dire, il ne faut pas que je tape trop fort sur Mohamed ou Mamadou, parce que sinon, ça va être sanglant. Et moi, il faut quand même que je ramène de la thune à la maison. Il ne faut pas que je revienne dans un sac à bidoche, quoi. Donc, voilà. Et ça rejoint ce truc-là. C'est-à-dire que de la même façon que les mâles blancs sont déficients en Europe et ne satisfont pas leurs bonnes femmes, eh ben, ça va ailleurs. Ça va ailleurs. Voilà, on y est, on est en plein dedans. Et ceux qui font pas l'analyse de ça, ils peuvent aller à la pêche, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, là, c'est moi qui fais un rapprochement, mais ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Fulbert voulait... finalement, Fulbert veut pas prendre la parole. Disons que... Je t'en prie, Pierrot. Pierrot. Alors, j'ai juste de penser un truc, j'aurais dû y penser avant, c'est tellement évident. Je vais parler d'un film, d'un très bon film pour le coup. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant, c'est vraiment l'évidence même. Le film Taken, donc vous pardonnerez mon accent, c'est le participe passé du verbe prendre en anglais, avec Liam Neeson, entre autres, où justement, ça raconte un peu l'histoire qu'on est en train de commenter actuellement, avec le mec qui est hyper cadré, prudent, sérieux, qui connaît les risques d'un voyage à l'étranger et qui essaye de prendre des précautions, et la nanana qui se barre comme ça, comme une conne, qui prend aucune précaution, qui a des tas de problèmes, et bah, qui a finalement ce qu'elle avait cherché. Voilà. Si vous n'avez pas vu ce film d'ailleurs, en dehors de toute considération politique, c'est un bon film, et si jamais vous avez l'œil, vous pouvez le regarder maintenant avec un regard assez différent. Hopman, il voulait parler, non ? Non, je s'en fous. D'accord. Alors en fait, peut-être un dernier argument qui aussi peut être utilisé, c'est en fait c'est. Bah, Moi, j'ai appelé ça, c'est la jurisprudence Assa Traoré, quoi, donc de la sœur d'Adama Traoré, où ça consiste à dire, en fait, à partir du moment où quelqu'un est blanc, on lui passe tout. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont blanches, donc c'est pas de leur faute. Donc c'est la logique, enfin là, ça, pour moi, c'est vraiment, ça, c'est vraiment de l'antiracisme au sens strict. Hein. Ah bah, non seulement c'est de l'antiracisme, mais c'est du dysgénisme, c'est-à-dire que en plus, ça encourage les comportements, ça justifie, encourage les comportements les plus débiles, et ça leur permet de continuer, de proférer. De proliférer et d'entretenir, hein, évidemment, ce qui doit être entretenu. Enfin, ce qui se tue soi-même, d'ailleurs, enfin, c'est une auto-élimination à la clé. Mais ça, ça me frappe, c'est-à-dire que mais pas de solidarité avec les blancs. Quel rapport ? Moi, je suis désolé. Vous me demandez. Enfin, s'il y a quelque chose qui est totalement éloigné. Alors, je vais préciser ma pensée. Hein. Mais s'il y a quelque chose qui est totalement éloigné de ce type de comportement, dirais-je, grégaire, à distinguer du racisme, au sens strict, où il y a quand même la notion de collectivité et de destin commun. Mais. S'il faut distinguer le, il faut vraiment distinguer le racisme du tribalisme. Parce qu'il y a des gens qui pensent que je suis blanc, enfin, c'est une minorité de personnes, mais qui pensent qu'ils ont un blanc-seing dans leurs actes parce qu'ils sont blancs. Excusez-moi, si vous êtes débile, que vous commettez des actes débiles, vous êtes sanctionné par les lois de la nature, comme vous le devez, et votre couleur de peau, ou votre phénotype, ou votre génétique n'a rien à voir là-dedans. Vous êtes déficient, vous êtes nul, vous dégagez, la nature a tranché. C'est-à-dire que le racisme doit intégrer le paramètre de l'eugénisme ou de l'hygiène raciale, comme ça a été appelé, alors qu'effectivement le tribalisme l'ignore complètement et effectivement suit, comme tu dis, la jurisprudence Traoré. Blanc, ouais. Blanc, c'est gentil, on vous passe tout, etc. Ouais, c'est-à-dire que dans le nationalisme blanc, il y a le nationalisme aussi. C'est-à-dire que tu as une logique empirique de développement, quelque chose qui n'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire, du nationalisme dans des backrooms, c'est pas du nationalisme, tu vois. C'est des blancs qui s'enculent, ouais, mais c'est des blancs, alors c'est génial. Ouais, non, ça c'est peut-être chez certaines personnes qui voit ça, qui aime bien voir des nanas blanches se tripoter, hein, suivez mon regard, ben non, ça marche pas comme ça. Moi quand je serai plus âgé, là, j'ai envie d'avoir des filles, et puis je vais les élever, tu vois, et puis moi, ce que j'aimerais bien, c'est quand elles grandissent, et ben, elles trouvent d'autres gonzesses pour se brouter le minou les unes les autres. C'est vraiment mon projet en tant que père de famille, quoi, c'est ce qui m'intéresse dans la vie. C'est ce que je veux pour mes filles blanches. C'est ce que je veux, c'est qu'elles deviennent des sortes de lesbiennes, voilà, qui vont jouer à touche pipi. Voilà, il y en a marre de l'Orient qui impose ses règles, tu vois. Il y en a marre de l'Orient qui nous impose ses règles et qui a envie la légèreté saphique de nos filles. Hein, voilà. Oui, voilà. Je veux la légèreté saphique pour mes enfants, hein, s'il vous plaît. Le monde entier nous envie. Mais quiconque connaît réellement le Moyen-Orient, avec ses mœurs, sait que le mythe de la rigueur sexuelle orientale... C'est une blague. Non, c'est une farce. C'est une farce. Enfin, d'ailleurs, en Europe, c'était très connu au 19e siècle que... Enfin, d'ailleurs, l'Orient était perçu comme ça, comme un lieu de licence sexuelle. Pas du tout comme un lieu de restriction sexuelle. Les harems étaient connus comme étant le, d'ailleurs, hein, d'ailleurs, enfin les sultans, tous les grands responsables, les grands dignitaires de l'empire turc musulman, qui pendant très longtemps l'empire ottoman, ont été l'avant-garde du monde musulman sur terre, étaient des gens qui étaient totalement libéraux, et je pèse mes mots, au plan sexuel. Enfin, c'est stupide de prétendre quelque chose comme ça. Romains qui s'enculaient comme des chèvres, considéraient que les Orientaux, ils y allaient quand même un petit peu trop fort sur ce point. C'est pas étonnant. Alors, je vais revenir sur l'histoire de la responsabilité personnelle, parce que quand même, il faut le comprendre. S'il y a un grand acquis de la civilisation occidentale, de la civilisation européenne, c'est précisément la responsabilité individuelle. On le voit, chaque jour. C'est-à-dire qu'on a un système, par exemple judiciaire, c'est one size fits all. C'est-à-dire qu'une justice pour tout le monde, sauf qu'en fait, vous vous rendez compte que ça marche pas avec les Arabes, ça marche pas avec les Nègres. D'accord ? C'est-à-dire que les Blancs comprennent le principe de responsabilité individuelle. En gros, je commets quelque chose, j'en suis responsable, je réponds de mes actes. Un Arabe viole une Blanche, j'ai rien fait, c'est pas de ma faute, c'est une machination, quelqu'un a truqué le truc. Même quand le mec se sait coupable jusqu'au dernier, jusqu'au bout, et avec une sincérité à faire frémir d'ailleurs le jury des Oscars, le type va prétendre être innocent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le groupe d'en face est racialement hostile, de son point de vue. C'est-à-dire que les types raisonnent uniquement en termes d'intérêt. La notion de justice est totalement, totalement inconnue des Arabes et des Nègres. Ils ne savent pas ce que c'est, le vrai sens de la justice. Ils ne connaissent qu'un seul principe, c'est la vengeance et la contre-vengeance. C'est très différent. Or, avec cette histoire de « je suis blanc » ou « je suis blanche », je fais une connerie, je suis pas responsable de mes actes, on nous invite à une régression culturelle et civilisationnelle absolument phénoménale. On invite les Blancs, et ce qui est impossible, insoluble, puisque ça se passe même au niveau de l'intellect, donc ça ne se passera pas, mais on nous propose, on nous suggère de tomber au niveau des Nègres. Bah, c'est un petit prix à payer pour permettre aux femmes d'être complètement libres. Je veux dire. Oui, non, d'être des putes, oui. Bon, ah. Bon, allez, alors je crois en fait qu'il y a des escrocs un petit peu ici ou là, et quand on passe un petit peu de temps sur ces questions-là, froidement, sereinement, intellectuellement, on comprend que non, ces deux jeunes filles sont ont fait n'importe quoi. Elles l'ont fait parce que les hommes blancs de leur pays, et ça ne nous exonère pas hein, de nos pays, hein, mais leur permettent de faire n'importe quoi. Et quand elles font n'importe quoi, on ne peut pas s'en laver les mains. C'est tout. Voilà. Moi, j'accable d'abord et avant tout les mâles blancs qui veulent pas tenir leurs femmes. Par principe, quoi. C'est dogmatiquement... je dis les hommes blancs, mais je peux carrément élargir même universellement, c'est-à-dire que les hommes qui veulent pas tenir leurs femmes, voilà, ça les intéresse pas. Voilà. Et les hommes qui reprochent aux autres hommes de vouloir tenir leurs femmes, alors ça c'est quand même les pires enculés. Quoi. Mais au-delà de tenir leurs femmes en fait, parce qu'il faut toujours voir les choses. Hein. En fait, quand les mecs disent veulent pas tenir leurs femmes, c'est pas par bonté. Hein. C'est qu'ils veulent pas se faire chier. Ils veulent pas assumer ce que ça implique personnellement, c'est-à-dire que si ta femme, parce que c'est ça, si ta femme se fait capturer par des Arabes, en dernière analyse, si c'est ta femme, t'es censé aller la chercher les armes à la main, même si tu dois crever. C'est ça ta responsabilité, normalement c'est ça. Hein. Et ces mecs-là, en fait, c'est une façon de dire « Ouais, mais non, mais c'est chiant. Ouais, non. » Fulbert. Oui, mais... J'oubliais quand même, vous tenez éloigné de certains éléments quand même, hein. D'abord, l'homme blanc, on lui a rogné les ailes. Qui lui a rogné les ailes? La justice, les États blancs et leurs lois. Ça, c'est un. Tu flanques une torgnole à ta femme, elle va au tribunal et tu l'as dans le cul profond. Je te laisse continuer, mais je te pose une question. Est-ce que c'est pas sur la pression du lobby féministe qu'on en est arrivé à des décisions de justice à la con comme ça? C'est vrai, oui, ça je suis bien d'accord avec toi. Oui, mais dans le fond, à ce moment-là, il y a une certaine justice naturelle, puisque celles qui sont, que l'on peut considérer comme étant des féministes, vont se faire égorger au Bougnoulistan. Oui. Bien sûr. Mais enfin, je voulais seulement défendre l'homme blanc, parce que Bien sûr que l'homme blanc est défendable de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'effectivement la justice le bride, tout est fait pour qu'il ne puisse pas prendre ses responsabilités de manière pleine et entière, on est bien d'accord là-dessus. Mais c'est pas parce que tu as un système qui te bride que tu te retrouves à défendre ce système et à dire « Ah non, mais en fait c'est génial !» Non. Effectivement, on a un système qui nous bride, c'est très difficile d'assumer le patriarcat dans l'époque moderne chapeauté par des juifs, c'est même carrément impossible, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire du mieux possible pour y arriver, et au moins intellectuellement essayer de comprendre pourquoi on s'est fait avoir et comment revenir à une situation plus vivable, parce que là ça ne l'est juste pas, tout simplement. D'accord, bien compris. Maintenant, ça voudrait dire que, quelque part, ça justifie les événements actuels en Europe. Je pense aux Gilets jaunes, entre autres. Mais ça voudrait dire aussi que quand le régime changera, putain, on va devoir se retrousser les manches, les gars. Mais ça se fait tout seul, hein, tu sais. C'est-à-dire que, tu sais, la violence, etc. Tu vois, regarde, c'est ce qu'on dit finalement. Tu vois, c'est de toute façon, s'il y a il y a des règles comme ça, des lois naturelles qui régissent simplement la vie sur Terre, et c'est même pas une matière de volonté en fait. Tu vois, si les hommes blancs sont trop faibles pour imposer leur ordre dans leur pays, en laissant les juifs mener le bal, en invitant des nègres, des musulmans chez eux à tout saccager. Si les mecs pensent que ça va être calme et pacifique, ils se gourrent, ça va être encore plus violent. Tu vois, il y a une sanction, en fait. C'est-à-dire que, quand tu regardes bien, c'est que la facilité est toujours sanctionnée. À chaque fois que tu optes pour la facilité, tu te prends toujours un gros coup de bâton dans la gueule. Il n'y a jamais de récompense pour la facilité. Et là, toute la culture occidentale actuelle, qui justifie absolument tout, c'est la culture de la facilité. Tu vois, ah bah non, je vais pas empêcher quand même ma fille d'aller chez des bougnoules complètement sauvages, parce que c'est quand même un peu chiant de... Des fascistes. Ouais, je vais lui taper sur les doigts, il va encore falloir que je passe une heure à la réseau. Ouais, vas-y, ma fille, prends ton billet d'avion. Voilà. C'est tout, c'est... Voilà, tu es laxiste parce que t'es feignant. Et puis arrive ce qui arrive, mais ça se finit toujours mal, ça finit toujours mal. Et en fait, c'est ça la différence en fait entre finalement les gens qui sont accrochés à la réalité et puis les déchets qui bâtissent des châteaux en Espagne ou. Eh ben, c'est qu'au final, la réalité restera toujours la réalité, que les utopistes cassent toujours les dents. Voilà, donc ceux qui sont en train d'essayer de nous vendre en fait le laxisme, parce qu'en fait c'est ça en fait, c'est le laxisme, le manfoutisme en fait, de vendre le manfoutisme comme étant un vrai projet de société, finiront tôt ou tard par apparaître pour ce qu'ils sont dans le regard de la grande majorité, c'est-à-dire des fumistes, des branleurs, des escrocs, ou pire, et voilà. Voilà. Moi, c'est pour ça que je suis jamais trop inquiet, parce que les lois de la nature sont tellement violentes. Il n'y a pas de... Je veux dire, ce monde n'a pas été créé pour les manfoutistes. Il n'a pas été conçu pour ça. Donc, quand tu es manfoutiste, tu le payes très cher, toujours. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai envie d'en dire de tout ça, quoi. Donc, vous voyez, enfin, en tout cas, d'un cas particulier et en apparence faisant consensus, hein, c'est oh, mon Dieu, des blanches ont été égorgées au Maroc, c'est horrible. On voit qu'en fait, on est à l'intersection de toutes les crises qu'affronte l'Europe, enfin le monde occidental. Quoi. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur tout ce qu'on a dit ? Non, personne en particulier. On a fait à peu près le tour du sujet, hein. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut... Ah, moi, j'ai quand même envie de dire un truc, c'est que c'est normal de combattre l'islam invasif, quoi. Enfin, l'islam et les arabes qui arrivent chez vous pour vous bouffer, mais la monomanie anti-islam, et je dis bien islam, parce que ceux qui attaquent l'islamisme ne parlent même pas de l'islam, ils parlent de l'islamisme, ils parlent de l'islam, et ils parlent même pas des arabes, comme phénomène racial, hein, on est bien d'accord. Ça, c'est totalement incapacitant, et c'est totalement hypocrite. Ça a été abordé dans la discussion, hein, Pierrot a bien dit, c'est qu'en fait, j'aime quand même bien boire mon petit coup de... Enfin, boire ma bière et mon cochon, voilà, donc ça, c'est le prisme unique, on sait pas trop pourquoi. Ça commence à être problématique, quand même. Ouais, parce que ça légitime toutes les escroqueries. Oui, ça légitime surtout la présence de tous ces rats en France. C'est-à-dire, bon, voilà. Alors, il y a un problème en France, c'est l'islam. La solution, il faut qu'ils mangent du cochon. Ah, mais vous avez vu, Jeanne d'Arc, la Zineb de Charlie Hebdo, encore, quoi. Ouais. C'est... Non, mais, hey, c'est juste une beurette, quoi. C'est une beurette. C'est... En fait, t'es en train d'exciter l'appétit sexuel du droitard en te montrant une beurette à accent qui est contre l'islam. Mais le droitard est irrécupérable. Non, mais c'est ça. Moi, je vois ça. Et les mecs sont là, ouais, la liberté. Non, mais. C'est là qu'on voit que l'islam, faut faire une pause, quoi. Faut faire une pause. En plus, statistiquement, franchement. Les meurtres djihadistes, c'est peanuts à côté des meurtres commis par les Arabes. Pour des raisons à la con, je veux dire. Ouais, c'est-à-dire le droit commun du bougnoul qui tue des blancs parce que bon, c'est un bougnoul qui veut tuer des blancs. Ça c'est sur la durée, je ne sais pas si on prend sur ces 20-30 dernières années, oui, au niveau chiffres, lol. Hein. Et pas voilà. Seulement des blancs d'ailleurs. Et pas seulement des blancs. Oui. Donc. Et on voit dans le dos Golnadel qui tape dans le dos. Ah, c'est bien, continue comme ça. On arrête. Moi, je n'en peux plus, quoi. Je veux dire, parce que ces mecs-là t'expliquent qu'une fois que t'as neutralisé 20 000 djihadistes en France, la France est un paradis sur terre. Je vous explique juste ça. C'est que les Français vivent dans un enfer dans les grandes villes de France et il n'y a pas de djihadistes dans leur coin de rue. Il y a des gros barbus, des trucs, des salafistes, des crasseux, ils font leurs prières, etc. Mais je vous assure, ils n'ont aucune intention de se faire péter. Non, mais voilà, il faut s'énerver, il faut que nous nous mobilisions contre l'islam, que nous chassions l'islam du Maroc pour que des putes aillent faire du footing à Marrakech. Mais c'est ça, c'est ça en plus. C'est-à-dire qu'en fait, si tu écoutes ces gens-là, les beurettes... Libérer chez nous, c'est cool. Ça, c'est notre civilisation. Okay. Donc la sale bougnoule, t'as l'impression qu'elle s'est pris une porte dans la tête. Ça, c'est notre culture. Quoi. Bon. En même temps, les pétasses norvégiennes qui vont au Maroc montrer leur cul aux pouilleux de l'Atlas, ça aussi, c'est notre culture. Quoi. Voilà. Moi, le seul fil que je retrouve de commun dans tout ça, c'est le rabbin. Excusez-moi, c'est le rabbin. Il n'y a que le rabbin qui peut retrouver son compte dans un truc pareil. Moi, dans mon calcul à moi, hein, les nègres, les arabes, musulmans, catholiques, tout ça, ça dégage. Les blanches, elles arrêtent de montrer leur cul dans des pays de métèques. Et les juifs repartent dans leur pays. Voilà, ça c'est simple, tout le monde comprend, et voilà quoi. Mais si on commence à dire, les beurettes chez nous, truc, leurs droits, bins, les blanches au Maroc, leurs droits, bins, etc. Bon, faites-vous couper la bite, allez au CRIF, barrez-vous. Parce que moi, non mais vraiment, je veux dire, moi ça je peux plus. Moi, à titre personnel, je peux plus. On va conclure là-dessus, je fais un tour de table, vous me dites ce que vous en pensez, si vous avez envie d'ajouter quelque chose sur complètement autre chose. Mais je vous avoue que j'ai une vraie saturation, moi, sur toutes ces questions-là. Oui, moi j'ai une saturation des réactions à l'œstrogène, ça me... Ah, c'est ouais. Non, stop. J'en peux plus des pétasses qu'on devrait pleurer alors qu'elles vont chez des peuplades connues pour leur folie sexuelle, enfin la frustration sexuelle extrême... aller se balader toute seule, enfin, c'est débile. Je veux dire, quand t'es con comme ça... voilà, à un moment, encore une fois, soit tu veux le bien de ta race et tu es eugéniste, soit tu veux sauver tous les cassos du monde, tu veux déployer des ressources, de l'énergie, etc., pour sauver tous les tarés, tous les déficients, etc., et t'es juste fou, en fait. C'est pas un projet sérieux, quoi. Fulbert ? Ouais, ben moi j'en ai marre de plein de choses, mais il y en a vraiment beaucoup de trop. Je pense que tu en as marre des juifs, Fulbert. Entre autres, oui. MacDave. Non, moi, je suis un peu plus, finalement, plus catho que vous hein, sur ce point. Je trouve ça triste. Mais quelque part, c'est de notre faute, quoi. C'est vraiment de la faute des Blancs qui ne savent pas qui ne savent pas garder leur sœur et leur mettre du plomb dans leur tête. Et à un moment donné, figurer, bien sûr. Ouais, non, pas forcément le plomb, hein. ça peut être ceinture, la ceinture. Ouais, ça peut être la ceinture. Parce que bon, c'est... putain, quoi, ouais, effectivement, 28 ans, quoi. À 28 ans, en principe, t'es pas une gamine, quoi. T'es une femme, t'es dans la fleur de l'âge. Et... Ah, je m'excuse, hein, 34 ans, financé par le CNC, t'es encore une gamine, hein. Pas trop ce que tu fais, hein, je sais pas. Pierre. Mais bon, moi je pense que je maintiens ce que j'ai dit. La charia a de beaux jours devant elle. Charia blanche pour tout le monde. Pierrot. Moi j'en ai marre des émissions trop sages. Je le trouve un tout petit peu trop doux, mais voilà. Bon bah on fera plus dur la prochaine fois. À la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Dédicace à Noël, salut.